Il est 6h du mat, vous écoutez Fun Radio, c'est l'heure de retrouver en live une équipe en pleine forme ce matin, l'équipe de Bruno dans la radio pour vous sortir du lit, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon ami, mais oui, on est en pleine forme, on est au taquet comme chaque matin, j'espère que ça va bien. Jeudi aujourd'hui c'est le 9 juin, ça veut dire qu'on est la veille du week-end. Ah. Je dis ça parce qu'en général ça détend un petit peu tout le monde se dit ah. En plus, jeudi aujourd'hui, on va en parler dans les infos dans quelques secondes, mais alors là, où que vous soyez en France... Aujourd'hui, les gars, c'est l'été. Ça, c'est cool. Et alors, profitez-en bien, parce que j'ai regardé la météo après. L'été dure une journée. Donc, bah, le ratez pas. Non, mais là, alors, vous êtes peut-être en train de préparer vos fringues pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez tenter la mini-jupe, le top, tout ça, tout marche. Dimitri Vegas, David Guetta, Zara Larsson. C'est le son de l'émission, là, pour attaquer. Ce sera dans moins de 3 minutes. Le 32-28. Vous pouvez l'appeler maintenant, vous faites de la radio avec nous par ce numéro, puis vous jouez avec l'équipe. Vous allez repartir avec votre iPad mini 4, votre GoPro, votre enceinte, le casque Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux sont là, dans le tout ou gagné, tout ou perdu. Il manque plus que vous, 32-28. Ce sera tout à l'heure à 6h10. Mon Rémi, bonne journée. À demain, bisous. Bisous. Après les news. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Justine Salmon pour les infos de ce jeudi matin. Salut ma Juju. Salut Bruno, bonjour à tous. Bon, je le disais, aujourd'hui, où que tu sois, oui. Où que tu sois, il fait beau. Ça fait du bien, je vous l'annonçais depuis quelques jours, ça y est, c'est la journée la plus belle de la semaine. Des petits soleils partout sur la carte de France et c'est en plus très doux, il fait de 11 à 17 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 23 à Reims, 24 degrés à Caen, 26 à La Rochelle et 30 degrés à Nîmes. Et ça va se couvrir demain par l'ouest avec le retour de la pluie et le week-end s'annonce également assez humide. C'est la bonne nouvelle du jour, plus d'alerte aux intempéries, la vigilance orange aux orages a été levée par Météo France sur l'est de la France, idem aussi pour l'alerte aux crues. Hier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un premier arrêté de catastrophe naturelle pour 782 communes situées dans 16 départements. Et ça veut dire normalement une indemnisation plus rapide des sinistrés victimes des récentes inondations. Le climat social reste tendu. La grève continue aujourd'hui à la SNCF pour la 9e journée de suite. Les assemblées de cheminots ont globalement voté la poursuite du mouvement malgré un projet d'accord trouvé il y a 2 jours. Côté circulation, toujours des perturbations sur les rails. Et concernant la loi travail, le mouvement se poursuit aussi, notamment dans 3 des 5 raffineries françaises du groupe Total. Mais toutes les stations-service du réseau sont réapprovisionnées et toujours une menace de grève chez Air France du 11 au 14 juin. En bref, l'étranger fusillade en Israël hier soir. 2 Palestiniens ont semé la terreur en tirant sur des clients attablés dans un quartier animé de Tel Aviv. 4 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. Et puis, ça approche J-1 avant le début de l'Euro. Les équipes continuent d'arriver en France. Hier, l'Autriche a pris ses quartiers à Avignon, l'Italie à Montpellier, l'Espagne à La Rochelle, Zlatan Ibrahimovic et ses collègues suédois à Saint-Nazaire. Le Portugal doit s'installer en région parisienne dans la journée. Il est 6h02, c'est Bruno dans la radio. Fun Radio. Jeudi, c'est le 9 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour! Bonjour la famille, merci d'être là, merci d'attaquer cette journée avec nous. On est le 9 juin aujourd'hui, on fête les Dianes, bonne fête à toutes les Dianes qui écoutent Fun Radio. J'ai envie d'attaquer cette émission avec le saint du jour, de faire cette émission un truc comme on le faisait il y a 30 ans, t'attaquais toujours comme ça. Aujourd'hui, alors non, tu mettais une musique un peu plus cool, tu vois les gens allumaient la radio, c'était à l'époque, ils allumaient la radio en douceur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous sommes jeudi, nous sommes le 9 juin, vous vous appelez Diane, nous vous souhaitons une excellente fête, Diane. Oh, c'est la fête des Dianes. Diane, qui était la déesse de la chasse dans la mythologie grecque et romaine. Ah, je vous ai raconté que j'étais féru de chasse. Ouais. Ah, bon. Ah oui, je fais la chasse à court. Je suis trop vieux pour faire de la radio. Oh mon Dieu, ça s'entend à ma voix, nous. Tout à l'heure, à 6h10, nous aurons notre rubrique culinaire. À 6h20, une balade en France. Ça s'appelle les petits plats dans les grands. Ouais. Balade en France tout à l'heure à 6h20, avec une nouvelle région à découvrir. Nous allons visiter le Doubs aujourd'hui. Oh. Et puis à 6h30, il y aura les conseils bricot déco d'Eliott. Oui Bruno, avec comment faire un meuble en formica maison. Merci. Je vous dirai tout. Ça, c'était la radio à l'époque. Maintenant, on vous envoie ça dans la gueule. Et honnêtement, à l'arrivée, j'ai l'impression qu'on se réveille quand même un petit peu mieux. C'est vrai. Alors par contre, j'ai gardé la même équipe. Il y a Christina. Ah. Bonjour. Il y a Vacher. Bonjour. Moi, je vais garder cette voix-là, si ça vous dérange pas. Non. Il y a Elliot. Ça va. Ça va super bien. Est-ce qu'on pourra quand même faire les pronostics du tiercé à 6h45? Et l'horoscope. Ah ouais, l'horoscope. Non, mais tu sais quoi? Et je peux te faire le sommaire de l'émission sur une musique de tiercé. Ah ouais. Casaque rouge aujourd'hui, l'Euro 2016 de football qui démarre tout à l'heure. Donc nous aurons avec Christina un quiz juste avant 6h30. Des choses insolites que vous ne savez pas forcément sur la composition et sur la compétition. Même si vous n'aimez pas le foot, ce sera intéressant. Ce sera tout à l'heure avant 6h30. Casaque verte. Oui. Il y aura le Vacher Time. Vacher va essayer de se faire, ou plutôt de faire rapper une personne âgée. Oh putain, il est bon le Vacher Time de ce matin. Tout à fait. On a un petit extrait ou pas? Pour se mettre en bouche là, ce sera tout à l'heure, dans moins d'une heure. Il est tombé sur une vieille de 84 ans, d'accord? Respect, ouais. Attention, respect avec les personnes âgées. Mais je peux vous dire que cette personne a un flow de ouf. Extrait. Peu importe ton âge, mamie, dis-moi quelle pizza tu aimes, je t'en prie. J'aime la margarita et aussi la Regina. Ce sera tout à l'heure. Donc vraiment, on vous a prévu une grosse émission ce matin. Et pour l'attaquer, nous allons accueillir Nicolas. C'est l'auditeur du jour jusqu'à 9h15. Cette émission lui est dédiée. Applaudissements pour Nicolas. Yeah. Bonjour. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Alors, ça va la famille? Ça va super bien. Nicolas, t'es d'Angers. Seulement, au moment où je suis en train de te parler, ici en France, il est 6h06 et où tu te trouves, il est 23h06. Est-ce que tu peux te dire, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves actuellement, s'il te plaît, Nicolas? Eh bien, actuellement, je suis aux États-Unis, à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ouais. Et donc, là, je vais bientôt aller dormir, mais demain matin, à l'heure des États-Unis, eh bien, je vais attaquer la route 66. Oh, c'est génial! C'est fort ou pas? Alors attends, route 66, c'est la route qui traverse les États-Unis d'est en ouest. Ouais. C'est une route culte que, en général, les gens font en moto, en mode biker. Est-ce que tu vas faire ça en bécane ou pas, toi, Nicolas? Non, en voiture. D'accord. Ah, en Toyota Yaris, ouais, c'est pas le même délire. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un tout petit bout en voiture parce que c'est vraiment très long. Il faudrait, je pense, plus d'un mois pour la faire en entier. J'ai fait un tout petit bout en Californie et je me suis arrêtée dans des petites villes américaines et là franchement t'es au fin fond des États-Unis et c'est juste le kiff absolu, je te jure. Ça va, nous avec Bruno l'année dernière à un moment on a fait un petit voyage, on a pris la rocade autour de Toulouse. Ça va aussi, on s'est arrêté dans une petite station service, bien sûr, et je peux dire qu'on a baissé les vitres de la voiture avec Vacher. On avait de la moustache et un bandana et on hurlait sur l'autoroute. Way to Toulouse. Nico, et alors ton road trip, il va durer combien de jours? J'ai déjà commencé il y a 2 semaines. Ouais. Et je l'ai fini dans à peu près 2 semaines. 2 semaines et demie. D'accord, donc t'as prévu 2 semaines et demie pour traverser tous les États-Unis? 5 semaines exactement. D'accord, ah oui, c'est ça. Oh, okay. Ouais, 5 semaines. Même, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Nico, bah, fais-toi kiffer, mon poteau. Ouais, grave. J'ai mis quelques photos sur différents réseaux sociaux, enfin voilà. Et bon, on va récupérer, puis on les mettra sur la page Facebook. Ouais, d'accord, ouais, Nicolas. Ouais. On t'embrasse. Vous enverrez ça, merci les gars. Génial. C'est un kiff de vous entendre et de faire de ce voyage. Enfin, c'est un kiff énorme, quoi. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Bisous. Petit délire là pour attaquer l'émission, j'adore l'idée. Ouais, quand même, ce qui m'en fout à chaque fois avec ces voyages, c'est comment les gens trouvent l'argent. On dirait que parfois, t'as des gens qui ont un puissant fond, genre ils ont une machine à billets. Ouais, c'est ouf, hein. C'est des économies toute une vie des fois. Ah, c'est fou. On va jouer dans 3 minutes sur Fun Radio. On attaque l'émission avec Dimitri Vegas. Bonjour la famille, bienvenue. C'est demain, les amis. Démarrage de l'euro. Ils vont être contents, les gens là qui viennent pour l'euro en France. La grève des trains, la grève des personnels dans les aéroports. La grève des éboueurs, là, ça vient d'arriver. Ah bon, c'est nouveau. Mais oui, dans plein de villes en France, dont Paris. Ah, c'est bien ça. Ah, et je peux te dire, c'est le voyage de toute une vie pour certains qui vont venir en France, qui, eux, dans leur tête, ont les clichés de trucs genre « Oh, Champs-Élysées ». Et ils vont arriver ici, ils vont avoir peur. Hein. Ça va leur faire tout drôle. Je crois qu'il y a même Météo France qui se met en grève. Ah, Météo France ouais. aussi ah, on n'aura plus de météo non plus. Mais n'importe quoi ce pays. Voilà. On sera là. Nous, demain, on sera là. Hein. Je le ah dis, oui, voilà. Oui, oui. Pour les étrangers qui vont venir pour voir les matchs de l'Euro. Bon, David Guetta, donc c'est l'hymne de l'Euro avec Zara Larsson. Là, ça arrive dans quelques secondes. Et puisqu'on parle de l'Euro, alors voilà, on va parler de l'Euro, mais sans forcément le côté foot. Je dis ça avant que toutes les meufs qui ont horreur du football change de radio. On va avoir un quiz de Christina là dans moins de 10 minutes. Oui, parce que j'ai voulu m'intéresser à l'euro, mais de façon un peu rigolote. Et j'ai trouvé plein d'infos, peut-être que vous ne connaissez pas, probablement pas, insolites sur l'euro. Et donc, je vais vous poser des questions tout à l'heure et vous allez tenter de répondre. Ce sera dans moins de 10 minutes, oui, Elliot. En gros, tu veux dire que c'est un quiz ambidextre. Il plaît à la fois aux hommes et aux femmes. Non, du tout. Non. Ambidextre, c'est quand tu peux écrire de la main droite ou de la main gauche. Voilà. À la rigueur, ce sera un quiz unisexe, si ouais. tu préfères. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Ambidextre, c'est à non, droite non, parce ou gauche. Que là, ma main gauche, c'est pas un homme, mais ma droite, ouais. une femme. Tu vois. C'est que tu manques d'imagination. Mais autant pour moi. Elliot apprend des mots, ouais. essaye de les placer. Ouais. C'est bien. Il est à la page A, vous avez vu, surtout, du dictionnaire. On en a déjà marre de lui à 6h13, il vient de battre un record. C'est génial. Allez, tout gagné, tout perdu. Fun Radio. Bonjour, tout ou gagné, tout ou perdu de ce matin, Elisa. Elle habite à Grenoble, elle est étudiante infirmière. Applaudissements pour Elisa. Salut Bruno, salut la famille. Bonjour. Salut. Bonjour ma chérie, étudiante infirmière du côté de Grenoble, donc ça oui, se passe exactement. Bien. Exactement. Bah, ça se passe pas mal, ouais, pour D'accord. l'instant. Donc là, quand t'es étudiante infirmière, tu commences à faire des stages dans les hôpitaux, tu bosses de temps en temps ou pas? Oui, bah là je suis en stage justement, donc c'est pour ça que je suis D'accord. matinale. Oui, en fait, c'est le moment de ta vie où tu fais le même travail que les infirmières sans avoir leur salaire, en fait, c'est ça? À peu près, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, t'es donc une stagiaire, on sait ce que c'est. Bon, Elisa, ma chérie, en arrivant en direct sur Fun Radio ce matin, tu viens de gagner un iPad mini 4. Je rajoute à cet iPad une caméra GoPro, je rajoute à ces deux cadeaux une enceinte Philips et je rajoute enfin... un casque Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi, Elisa. D'accord ? D'accord. Tu connais le principe du jeu, il faut que tu les gardes. Et pour les garder, il faut que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser, puisque chaque mauvaise réponse, hélas, entraînerait la perte d'un de tes cadeaux. Nous sommes d'accord ? Ok, pas de soucis. Allez, Elisa, c'est parti ! C'est parti. Et on salue par ta voix tous les gens qui bossent dans les hôpitaux de nuit, qui sont en train de finir leur journée. Il y a la petite salle infirmière avec la machine à café. Ouais. Il y a l'infirmière qui arrive en général. Il y a toujours ta copine d'infirmière sympa qui arrive pour prendre le service vers 7h et qui arrive avec les croissants pour celles qu'on fait la nuit. Quand ça se passe bien. Sinon, quand ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est pas vrai. Toujours le cas. Bon, Elisa, première question. En Corée du Nord, le cannabis est légal et il n'est pas considéré comme une drogue. La Corée du Nord, c'est ce pays qui vit encore au Moyen-Âge, avec un dictateur à sa tête. Mais par contre, sur le cannabis, ils sont open là-bas. Ils disent que non, tout va bien. T'as pas le droit de téléphoner, t'as pas le droit de regarder la télé. Mais par contre, si tu veux fumer du shit, t'as le droit de le faire. C'est vrai ou c'est faux ? Bon, je dirais qu'il y a tellement des trucs bizarres que je dirais vrai. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est incroyable. Kim Jong-un. Rendez compte quand même que c'est le seul pays au monde où ils vivent comme vous vivez d'où il y a 600 ans quoi. C'est un ouais, truc de c'est dingue. Ça. Et puis lui, il est vraiment flippant pour le coup. Et en plus, il a quoi? Il a 25 ans, il est hyper jeune quoi. Ouais. Il a 30 ans. Il est débile surtout. Ouais. Il est complètement débile aussi. Mais c'est, il est tellement con qu'il en devient drôle. J'avais dit cette info une fois à l'antenne, Elisa. Il a tué un de ses généraux, il a fait abattre un de ses généraux parce que le gars n'avait pas salué pendant la défilée. Et pour le faire tuer, il l'avait mis au milieu d'un champ, d'accord ? Et ils l'ont tué au lance-missile. Tranquille. Ouais, quand même. Ouais, il n'est pas dans la demi-mesure. Vous connaissez cette histoire, pour eux, en Corée du Nord, il n'y a pas de blague, ils sont champions du monde de football. Oui, parce que lors de la Coupe du Monde, ils ont diffusé un match pendant 10 minutes où ils ont fait un faux but et ils ont arrêté le match au bout de 10 minutes et ils ont fait une cérémonie et tout, donc ils sont champions du monde. Incroyable. Voilà, c'est vrai. Bon, Elisa, tu gardes tous tes cadeaux. Donc, et qu'est-ce qu'on est riche en anecdotes ce matin ? C'est fou cette culture. Deuxième question. Au tennis, le service le plus puissant jamais enregistré a atteint la vitesse de 465 km/h. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, pour avoir un mari qui regarde un peu Roland-Garros et pour avoir un peu suivi, je dirais que c'est faux. Bah oui. Ah oui. C'est-à-dire que 465 km/h, ça traverse les filets de ta raquette, ouais, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu peux tuer un ramasseur de balles. Ouais, c'est ça, il se fait transpercer le thorax, le pauvre gamin de 8 ans. Mais je suis à Roland-Garros, je suis content. Cela dit, le record est pas mal quand même, c'est 263 km 4, c'est beaucoup. Hein, ah km/h, ouais, 4. Il me semblait avoir entendu un truc comme ça, ouais. C'est, un Australien, Samuel Groth, qui a fait ça en 2012, lors du Busan Open Challenge. Bon, tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. Dans l'Antiquité romaine et jusqu'au XVIIe siècle en Europe, on utilisait l'urine pour se laver les dents sous forme de bain de bouche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais faux. Bah non, c'est vrai. Ah, c'est dégoûtant. Horrible. C'était, ça vient d'Égypte, cette coutume. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je fais des bains de bouche avec le truc, la listerine. Ah, non, oui, la listerine tous les matins. Mais bon, l'urine, j'irai pas. T'imagines ? T'as envie de faire pipi, Michel ? Non, mais reste ici parce que j'ai une afte, ça m'arrange. On dit un afte. Ouais, oui. C'est pareil, un truc, un bouton, quoi. Bon, Elisa, on rigole, mais tu viens de perdre l'iPad. Bah ouais, tant pis. On joue pour la GoPro, pour l'enceinte et pour le casque. Dernière question. Chaque année, dans le monde, 1 million de préservatifs sont fabriqués. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oh, je dirais que c'est vrai. Mais non, t'imagines. Oh non ! 1 million, c'est rien du tout. On est 64 millions déjà en France. Ouais, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Ouais. C'est 10 milliards de préservatifs qui sont fabriqués dans le monde. Et combien de préservatifs sont à l'abandon dans un portefeuille pour faire Georges paniquer à tout moment ? C'est quand même bien de l'avoir. Ouais, c'est ça. Elisa, tu repars ce matin avec ton enceinte portable et le casque Bruno dans la radio. Oh, c'est super, merci. Bravo. À quelle heure tu finis ta journée là, Elisa ? Théoriquement à 14h, mais étant donné que j'ai une formatrice qui vient me voir aujourd'hui, je pense un peu plus tard. Bon, bah écoute, bon courage à toi, ma chérie, on te fait des bisous. Merci beaucoup. Passe une belle journée, ciao, ciao. 6h19, c'est Fun Radio. This one's for you, David Guetta, Zara Larsson, c'est l'hymne de l'Euro 2016 de foot qui débute demain. Bah justement, un quiz sur l'Euro, mais sans parler que du côté football. C'est ce que vous propose Christina, là, c'est dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. On va avoir besoin du coup de fil à un ami. Ah bah oui, bien sûr. Et ben voilà, petit cadeau pour vous, la 32-28. Vous pouvez venir jouer avec nous, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Erae Streffy. Hey, it's David Guetta. It's Zara Larsson. Tini Tempa. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Lucas Plat, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr, et un Bruno Cherou très motivé. Demain, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi ? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6. Réservé aux professionnels. Montant hors taxe. Voir Ford.fr. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. Le son. 6h22, il y a un bouquin qui sort aujourd'hui aux éditions du moment qui s'appelle Le Roi David Guetta. C'est un livre qui a été signé Pierre Pernès qui raconte l'histoire de David Guetta, d'accord ? Et alors je suis en train de regarder, mais qui a fait la préface de ce livre ? Mais alors c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Guillon. Alors, il s'appelle comme toi. Oh, mais la littérature maintenant. Il a fait carrément la préface et il y a au moins 5 ou 6 pages de préface. Oh. Hein. Et j'ai l'impression qu'on le voit un peu trop, faut qu'il fasse gaffe ce Bruno Guillon parce qu'on va finir par se lasser. Ah, oh, mais non. Moi je l'aimais bien quand il faisait de la radio, s'il commence à faire des livres, de la télévision et tout ça, et, oh, ça va bien, merci bien, 5 minutes. Non mais c'est un livre canon. On peut l'offrir. Bien sûr. Comment on fait ? Eh ben, vous appelez le 3228 maintenant ou avec le hashtag Bruno Fun Radio. Vous nous envoyez juste un petit message, on vous rappelle et puis on vous envoie le livre, on en a plein. Eh ben voilà. Pour l'homme aux 10 millions d'albums vendus et aux 35 millions de singles, et c'est pas prêt de s'arrêter, voici This One's For You avec Zara Larsson, c'est David Guetta sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. Il y a le chiffre du jour qui va arriver sur Fun Radio. À votre avis, qu'est-ce que 10% des couples mariés ne font qu'une seule fois par an ? Une seule fois par an. Non, c'est pas l'amour, mais regardez pas. Direct. Pas loin, mais c'est pas une seule fois par an. 32-28, si vous avez des idées. Tiens, tu sais quoi ? Je vais filer du cadeau si vous avez la bonne réponse, parce que le truc est assez hallucinant. Ah 10%, ouais, ouais, vraiment, j'imaginais pas ce chiffre-là. 10% des couples mariés ne le font qu'une seule fois par an, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre du jour-là, ce sera après les infos de 6h30. Are you ready ? Yeah ! Le quiz de Christina. Bénédicte a 22 ans, elle habite à Nanterre. Bonjour Bénédicte. Bonjour la famille. Bonjour. Salut. T'es mon coup de fil à un ami, Bénédicte. T'es mon ami ce matin. On va jouer au quiz de Christina. Tu vas nous filer un coup de main, Christina. Donc on parle de l'euro, mais pas dans l'axe du foot. Non, pas du tout. En fait, j'ai des petites infos insolites. Je vais vous poser des questions et vous allez tenter de trouver les réponses. D'accord, très bien. Bon, Bénédicte, quel cadeau on va pouvoir lui filer? Une caméra GoPro, une GoPro? Oui, et puis le livre David Guetta, on en parlait à l'instant. Allez, on y va, on t'écoute. Qu'est-ce qui coûte 3000 euros, à votre avis? Ça concerne l'euro, hein. Qu'est-ce qui coûte 3000 euros? Ça coûte, mais je veux dire, pour tout l'euro, ça coûte que 3000 euros. Ouais. Il y a plusieurs fois 3000 euros. Non, une seule fois 3000 euros. Le stock de gel pour les cheveux de Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas ça, mais c'est un rapport avec un joueur de foot. Ah, Bénédicte, t'as une idée? Je dirais que ce serait les caleçons de Ibra. On est sur le bon joueur, on est sur Zlatan. Ouais. Ils se sont pas ses caleçons, c'est le prix de son lit qui a été installé à Pornichet dans un hôtel où, qui accueille l'équipe de Suède. Parce qu'il fait 2m10 sur 2m10, donc c'est un carré. Et en plus, tu peux le régler, c'est-à-dire que tu peux modifier la dureté du matelas à certains endroits. En fait. C'est vrai qu'il est très grand, et sur un lit normal, il y a les pieds qui sortaient du matelas. 3000 euros. Et le nez aussi, il dépassait sur le côté. c'est fort, c'est que des infos comme ça. Oui. Ah, j'adore. Alors, vas-y, continue. Une autre question. Qu'est-ce qui peut être fait 400 fois en même temps? 400. Ben, des buts? Non, c'est impossible. Ouais. Non, c'est, je suis, non. Je suis très, très, très, très con là sur cette réponse. On oublie. Non, une autre idée? Non, personne. Un 400 avec... fois en même temps? Ouais. Je sais pas. Sur le même joueur ou ça a rapport avec un joueur? Non, ou pas du tout. Je sais pas. De selfie avec un joueur de foot? Non. De... En fait, il y a 400 chasses d'eau qui peuvent être actionnées en même temps dans le stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Ah, intéressant. Alors, on peut tirer 400 fois en même temps la chasse d'eau. Bon, après, il y a plus de nappes phréatiques sous la ville de Bordeaux. Une autre question. Que vont faire 9 Français sur 10 à la mi-temps des matchs pendant l'Euro? Aux toilettes. Exactement. Ah, oui, c'est facile, la petite pause pipi. On a le temps pour une dernière? Tu sais quoi? On va même faire une petite pause et on va en refaire 2-3. Ah, d'accord. Si tu veux, Bruno. S'il te plaît bien ce quiz. Eh ben, on fait ça. Bénédicte, t'as 2-3 minutes? Oui. Tu peux rester avec nous? Bon, on va rester. C'est bien ça, j'aime bien ça. Eh ben, merci Bruno. Mais t'as rendu l'euro de foot intéressant pour plein de gens qui n'ont rien à foutre du football. Calvin Harris, Rihanna, ça va arriver dans la demi-heure. Et puis on aura Mathieu Canabi. Alors, je peux vous dire qu'on a lancé un truc concernant Mathieu Canabi hier. On va vous faire réécouter un petit passage de l'émission d'hier sur Mathieu Canabi. Puisqu'on est à la recherche de la famille de Mathieu Canabi. Mathieu Canabi, c'est la reprise de Miss California. Ça arrive là dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Salut. Salut, c'est Pierre Cross. On se connaît? Je fais des vidéos marrantes sur Internet. Ah oui? Oui, et j'ai une exclue. Bouygues Télécom fait gagner tous les jours des cartes SIM sur goldensim.fr. C'est une blague? Non, avec 4G illimité pendant 2 ans. Très drôle. Non, mais je te jure que c'est vrai. On aime tous la technologie. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom vous offre une chance de gagner 2 ans de Golden SIM. Appel, SMS, MMS et 4G illimité. Rendez-vous chaque jour sur goldensim.fr. Du 6 au 21 juin, voir conditions sur le site. Golden Sim égale Sim en or. En ce moment, les affaires Bricoman en remettent une couche. Avec la peinture façade acrylique monocouche 10 litres mosaïque, coloris blanc ou tompierre, microporeuse, fongicide et algicide. Garantie 10 ans à 45,90€ au lieu de 54,70€. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre valable du 10 au 25 juin 2016 dans les magasins dépôts participants. Plus d'infos sur bricoman.fr. TF1. Bonjour, c'est Arthur. Retrouvez-moi en direct ce soir sur TF1 pour un nouveau rendez-vous quotidien. Jeux, quiz, parodie, micro-trottoir avec ma bande. Vous ne verrez plus l'actu de la même façon. 5 à 7 avec Arthur, en direct du lundi au vendredi. TF1, partageons des ondes positives. C'est jeudi aujourd'hui, c'est le 9 juin. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio qui va vous inviter, vous, auditeurs de la matinale, à partir à Ibiza. Ce sera avant 9h15. La dernière semaine, on va la faire à Ibiza et on partira avec vous. Ça se jouera au 32-28. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Jeudi 9 juin, le tour de l'actu là en 2 minutes avec Justine Salmon. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue, bon réveil. On y va pour un petit point météo et c'est la journée où il faut en profiter. Du soleil pour tout le monde avec des températures très très agréables. Ce matin il fait de 11 à 17 degrés, on attend cet après-midi 23 à Metz. Il fera 25 degrés à Vichy, 27 à Rennes et 30 degrés à Narbonne. Et je vous le disais, profitez puisque demain c'est le retour du gris et de la pluie par l'ouest du pays. Une opération est en cours au marché de Rungis, près de Paris. Plusieurs centaines de manifestants, des militants CGT principalement, bloquent les lieux pour protester contre la loi travail. Et des barrages filtrants ont créé des bouchons monstres à l'heure de pointe, évidemment. Et ça continue sur les rails. La SNCF reconduit sa grève. On en est au 9e jour. Comptez en moyenne 4 TGV sur 5 et 6 TER sur 10. Et chez Air France, une grève doit normalement commencer ce samedi. 4 morts et au moins 5 blessés, c'est le bilan dramatique après une fusillade hier soir à Tel Aviv en Israël. Deux hommes, deux Palestiniens, ont ouvert le feu sur des passants en pleine rue dans un quartier animé. L'un des assaillants a été touché par balle par la police, il a été conduit à l'hôpital et le second a été arrêté un petit peu plus tard. On n'a jamais été aussi proche du début de l'Euro. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture et à 21h, la France jouera contre la Roumanie. Ça y est, Didier Deschamps à son équipe. Dimitri Payet accompagnera Olivier Giroud et Antoine Griezmann en attaque. Les Bleus s'entraîneront aujourd'hui en fin de journée au Stade de France. Et puis enfin, un petit mot de tennis. Pendant 2 ans, plus de tennis pour Maria Sharapova. L'ancienne numéro 1 mondiale vient d'être suspendue pour dopage. Elle prenait du meldonium, un médicament interdit depuis janvier dernier. La Russe a affirmé qu'elle allait faire appel de la décision du tribunal arbitral du sport. Il est 6h33, bon réveil à tous et bonne matinée. C'est Bruno dans la radio. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Bruno dans la radio. Bonjour, merci d'être là. C'est jeudi, c'est le 9 juin. Vous avez choisi Fun Radio. Il y aura Riab. Ça va arriver là dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. On aura Corentin de Saint-Saulve qui a besoin de conseils pour ne pas stresser. Il va passer son permis ce matin, il est un petit peu en stress. Vous vous souvenez du moment où vous avez passé votre permis ? Ça fait combien de temps que tu as ton permis, toi, Christina ? Oh, je l'ai eu, j'avais 21 ans, je crois. Eh ben, ça se voit pas, hein, c'est fou. Hein. Oh, bah, tu rigoles, attends, maintenant je suis devenue une pro du créneau et tout. Non, non, je conduis super bien. Mais tu tues quasiment plus personne maintenant sur la route. C'est incroyable. Bon, on avait avec nous au téléphone, là, juste avant les infos, Bénédicte. Et on parlait. Et je suis toujours là. Et bien sûr, j'espère que tu es toujours là. On parlait de l'Euro 2016 qui débute demain. Mais alors, pas en mode foot. On était en mode à côté du foot. On a appris des choses sympas. Notamment sur le fait que 3000 euros, c'était le prix du lit de Zlatan Ibrahimovic. Parce que dans l'hôtel où il est du côté de Pornichet, ils ont été obligés de racheter un lit plus grand pour qu'il puisse rentrer ses pieds dedans. Exactement. Je trouve ça extraordinaire. Allez, on continue. On en a 2-3 autres avant le chiffre du jour. Alors, 60 kilos d'un produit bien spécifique ont été importés pour les joueurs gallois Dinard depuis l'Angleterre. Quel est ce produit, à votre avis ? C'est pas la cocaïne. Non, les joueurs en avaient vraiment besoin pour démarrer la journée. Ça vous donne un indice. Du whisky ? Non, bah non, non. Et non. C'est des joueurs de foot quand même, c'est des sportifs. Bah oui, mais enfin bon, ça empêche pas. Ils ont, hein. Tu sais qu'ils ont pas le droit de leur servir d'alcool dans les hôtels. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Pour les joueurs du Pays de Galles, qu'est-ce qu'on aurait pu leur amener ? Un truc, ça a un rapport avec la bouffe ? Ouais. Ah. Ah non. Genre du porridge, je sais pas quoi, les trucs petit-déj, tu sais, des trucs qu'on mange pas nous, quoi, c'est ça ? Des baked beans. Ah, des baked beans. Voilà. Ouais, faut savoir que Christina, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Fun Radio, Christina a beaucoup de talent, mais par contre, l'anglais, c'est pas son délire. Elle est fâchée avec l'Angleterre. Ouais. Les baked beans. D'accord, très bien. Ce sont les haricots blancs, cuits avec une sauce tomate un peu sucrée. Exactement. Allez, un petit dernier. Un petit dernier, alors quel joueur aura une pizza à son nom pendant l'Euro ? Eh ben, je crois que c'est Zlatan. Exactement. Ouais, je l'ai vu à la télé hier. Ouais, toujours à Pornichet. Voilà, il y a un mec d'une pizzeria qui a créé la pizza Zlatan. Vous voulez savoir ce qu'il y aura dedans ? La viande hachée de bœuf, la viande hachée de porc, des oignons, des pommes de terre, un œuf sur le plat, des croûtons et une crème suédoise avec de la muscade, du poivre, du sel et du sucre. C'est bien chargé. Il paraît que si en la servant, ils la font tomber, qu'il y en a partout, ils la reprennent quand même et ils la resservent en disant bon, cette fois c'est la Ribéry. Bon, Bénédicte. Et oui. Là, tu sais quoi, tu l'as mérité ta petite caméra GoPro. Moi, je vais te l'envoyer du côté de Nanterre. Beaucoup. D'accord, ma chérie, je te fais des bisous. Bisous, bonne journée, la famille. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Bonne journée à toi. C'est le chiffre du jour. Bah, et cela dit, on reste un peu dans les chiffres. Je vous posais cette question tout à l'heure. Qu'est-ce que 10% des couples mariés ne font qu'une seule fois par an ? Elliot, tu es en train de lever la main. Oui. Elliot, tu n'es pas marié. Oui, non, on en est loin, hein, je te rassure. Bon, mais tu voulais proposer quoi ? Bah, un gamin, un marmot. Ben non, mais tu fais pas un enfant une fois par an parce que t'es marié. Une fois par an. Ça ferait beaucoup. Hein. Tu restes 10 ans ensemble, t'imagines ? On est que deux dans l'équipe à être mariés. Va chez moi. Ouais. Une fois par an. J'aurais dit les soirées en boîte. Moi, je sais qu'avec ma femme, ça doit être ça. On en fait une par an, grand maxi. Une soirée ? Ouais, soirée en boîte. En boîte. Ah. Oh, le vieux, quoi. Voilà. Et mais non, mais ouais, c'est chelou d'aller avec ta femme en boîte. On cartonne tous les gens qui vont au collège ou au lycée, écoutent Fun Radio, et ils sont en train d'écouter un mec qui leur dit... Une fois par an avec maman, eh bien, on va dans une discothèque. Ah, et je prends souvent un petit mojito. Bon, bah, on arrive, nous, sur les coups de 21h30 pour l'ouverture. Oui. Quand on commence à avoir mal au dos sur les coups de 22h30, bon, on s'approche de la sortie, on danse à peu près les vestiaires. Et puis, on remonte dans le petit taxi, on rentre à la maison. Ouais, c'est l'histoire de Vacher qui part avec sa femme en discothèque. Oh, la tristesse. Le vieux, quoi. Florent à La Rochelle, il a 26 ans, La Rochelle qui est là ce matin. Bonjour le 17, bonjour Florent. Salut Bruno, salut famille. Salut. Une fois par an, ils le font les couples mariés, c'est quoi? Moi j'aurais pensé à un restaurant en amoureux. Ah ouais, ouais. Oh, bon, Saint-Valentin quoi, le cliché, le bon vieux cliché. Mais Florent, t'es marié ou pas? Non, je suis pas marié, mais moi ça c'est plus d'une fois par an, hein, mais c'est 10%, donc ça, je me suis dit c'est pas beaucoup quand même. Peut-être, mais à la campagne, c'est vrai que les gens ils vont rarement au restaurant. Genre, la campagne, arrête de parler. À La Rochelle, on a 10 restaurants au mètre carré. Bien sûr, non mais tu sais, c'est Florent. C'est Elliot, tu vois, arrête, tu voulais pas... C'est pas péjoratif du tout, non, mais du tout. Oui, mais Elliot, oui. Quand tu dis à la campagne, moi qui suis provincial, j'ai l'impression que tu me prends pour un bouc. Non mais je te parle, moi genre, je parlais, je vois mes grands-parents, genre à la Kerche de Bretagne, pour citer que ça, genre, ouais. Ou des petits villages comme ça, bah, ils ont tout dans le jardin, ils ont ouais. Pas que ça à foutre. Après, il y en a certains, ils ont un truc, je sais pas si t'en as entendu parler, ça s'appelle une voiture. Et genre comme ça, à 20 minutes, ils ont quand même un restaurant ou à 10 minutes. Quoi. Elliot, il se rend pas compte. Non mais c'était maladroit, c'est pas ce qu'il voulait dire, je ouais, pense. Vraiment, arrêtez. Florent, bon, c'est pas le restaurant, mon pote, belle journée du côté de la Rochelle. À la campagne, ils mangent de la terre, non? Mike à Antibes, bonjour Mike. Salut, bonjour, salut l'équipe. Salut. Allez, ça arrive une fois par an dans les couples mariés, d'après toi, c'est quoi? Ils s'engueulent à cause des beaux-parents. Ah, c'est plus que ça, je pense. Ouais, ouais, ça, je te confirme. C'est plus. Ça dépend des beaux-parents. Genre une fois par mois, moi, ça, l'histoire des beaux-parents. C'est une bonne proposition, c'est pas la réponse, Mike. Je t'embrasse. Nicolas à Montbéliard. Salut, Nico. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Ça n'arrive qu'une fois par an dans les couples mariés. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Ils disent je t'aime. Ah. C'est-à-dire je t'aime. Une fois par an. Ce serait pas beaucoup. Une seule fois par an, bah 10%. Bah ouais, 10%. Et bah si. C'est ça. Oh. Oh, c'est triste. Bon, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90% des couples se le disent plus qu'une fois par an. Il ouais. Y a des couples. Donc 10% des couples, ils se disent je t'aime une fois par an. C'est la tristesse. Hein. Oui, mais après, je pense que ça dépend de quelle école tu es. Tu sais, il y a des gens qui ouais. Se disent moi, jamais je t'aime. Moi, Flair, moi. Je... moi, je le dis hyper souvent. Je le dis bah, quand j'ai envie de faire l'amour. Je le dis quand j'ai envie qu'elle m'achète un cadeau. Voilà. Je choisis tout le temps les bons mots. Quand tu l'as trompé, tu lui dis ou pas? Non. J'hésite. J'évite de faire ça. J'hésite. Oh, il le dirait trop souvent. Nico, bah, on a un petit cadeau pour Nico. On va t'offrir un casque Bruno dans la radio. D'accord, mon pote? Ah, nickel, merci. On t'embrasse, bisous. Passe une belle journée. Elliot, regarde, il est dans son coin, il fait je voulais pas dire du mais mal. Ouais. Elliot, quand tu veux parler de la province, dis pas à la campagne. Bon, allez, pour vous les campagnards qui écoutez la radio dans votre caca, dans le tracteur, on va peut-être annoncer ce qu'on va écouter comme musique. 6h40, c'est Fun Radio. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. She's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves.

matin. Salut Bruno. C'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Mathieu Canabé. C'est une reprise de Miss California de Dante Thomas. Et hier, c'est vrai qu'on a préféré passer l'original. On va vous refaire écouter ce passage parce que j'ai voulu m'excuser auprès de la famille de Mathieu Canabé et on a cherché sur le net des Mathieu Canabé. On est tombé sur un André Canabé qu'on a appelé hier pour savoir s'il était de la famille. Très sympa d'ailleurs. On va refaire écouter le passage là. C'était hier aux alentours de 9h10. Mathieu Canabé, ça arrive sur Fun Radio. Mais pour l'instant, Corentin, à Saint-Saulve, on est dans le 59, département du Nord. Bonjour Corentin. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. 23 ans, tu passes ton permis ce matin, c'est dans un peu plus d'une heure 10. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Combien de leçons à ton actif ? 20 heures actuellement. C'est combien le minimum pour... C'est ça, c'est 20 heures. C'est 20 heures maintenant, putain. Mais et c'est combien rarement 20. Une heure de leçon, c'est combien Corentin ? Le prix d'une heure de leçon, c'est à peu près 43 euros. Ouais, putain, c'est très cher. Ouais. Ah non, c'est ouf. Le prix du permis, c'est ouf. Moi, à l'époque, je sais quoi, c'était 10 leçons quand je passais 10 leçons. 10 leçons. Ouais, je te jure. Ah non, c'est 20 et en général, t'en fais plus 30 parce qu'ils te disent tout le temps qu'il t'en faut un peu plus. Hein. Et puis après, c'est ça, tout à fait. T'as l'inscription permis, t'as l'inscription code, c'est 200 euros à chaque fois. Genre, moi, mon permis m'a coûté genre 2400 en tout. Ouais, quoi budget, ouais. Ouais. Oh là là. Ouais, c'est ça, à peu près. Après, t'as ton permis, mais tu peux pas t'acheter de bagnole, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis surtout, du coup, t'as la pression d'une pour l'avoir et de deux parce que tu vas redevoir débourser le service. Non, en fait, bon, alors, c'est ce matin à 8h et tu me disais que voilà, t'étais un peu en stress, Corentin. C'est ça, j'appréhende un peu comment ça va se passer. Ça va bien se passer. Pourquoi voilà. C'est ta première fois ou pas? Oui, mais c'est ça, ouais, première fois. Il faut que t'y ailles en détente, Corentin. Ouais. La dernière leçon de conduite que t'es prise, c'était quand? Mardi. Et alors, mardi. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de conneries? J'avais fait les examens blancs et pour eux, en fait, c'était pas si bon que ça, donc c'est pour ça que je suis un peu en stress, en fait. Écoute, déjà, est-ce que t'as fait des repérages? Moi, je sais que j'étais dans une auto-école et qu'ils te faisaient faire plusieurs fois le circuit où tu passais ton permis. Tu l'as fait, ça, ou tu connais pas du tout l'endroit? Bah, le problème, c'est qu'en fait, je suis sur Saint-Saulve, en fait, d'ici à peu près plus d'un mois, de deux mois, en fait, actuellement. Donc, en fait, je connais pas trop à peu près la ville. Donc, c'est pas grave, ça. Donc, c'est un peu galère. Alors, après, tu peux croiser les doigts. Moi, je sais que je conduisais pas super, mais je m'étais dit pourvu que les autres candidats qui soient avec moi soient mauvais, tu vois. Et j'ai eu de la chance parce que le mec est passé avant moi. Le mec qui est passé avant moi, il avait les cheveux bleus. Déjà, il avait un look un peu chelou, tu vois. À 22 ans, c'est rare. Et le mec était tellement stressé que quand l'examinatrice lui disait, bah là, vous allez prendre à gauche, mais le mec ne tournait pas. Il continuait tout droit. Et donc, on a fait tout un détour et moi, je l'ai eu. Corentin! Sinon, il y a un délire. Tu prends un maillot de basket, d'accord? Des Ray-Ban, ok? Tu te mets un bandana dans les cheveux. Au moment où tu rentres dans la voiture, tu poses sur le tableau de bord un faux revolver après l'avoir chargé. Et là, tu mets ça dans le truc. Okay, on va passer le permis. Ouais, mais en mode Thug Life, tu fais crisser les pneus, d'accord? Et le gars se dit, si jamais je lui file pas, il va me casser la gueule. Ouais, mais avec les cheveux bouclés, je crois que ça va pas trop faire. Hein. Ce sera un délire, ce sera Thug Life frisette. Non, mais Mouchou, il faut juste que tu fasses gaffe à ce que l'examinateur te dit, les indications qu'il te donne. Parce que moi, la première fois, je m'étais fait avoir pour ça. Ouais. J'ai pris un cul-de-sac et du coup, j'ai pas eu mon permis. Moi, tu sais que j'ai eu mon permis. C'est ça aussi le problème, en fait. Hein. J'ai aussi un handicap par rapport à ça, en fait. Donc, un handicap? Pourquoi? Quel handicap? J'ai une tordité, en fait, depuis que je suis petit, en fait. Donc, le problème, avec comme moi, on me dit tourner à gauche, je tourne à droite, en fait. Tu lui dis gueule. Ouais, dis-lui dès le départ. Peut-être dans ces cas-là, Corentin, il serait peut-être mieux que t'aies pas ton permis. Oui, c'est-à-dire que moi, quand on me dit freine, je comprends accélère, quoi. c'est ça, tout à fait. Quand le feu passe au rouge, moi, je le vois vert. C'est ça. Ouais, je comprends. Ben là, ça risque d'être un peu une tannée, hein, forcément. Quand je vois un piéton, je me dis c'est un dodane. Ouais. Et Corentin, si vraiment t'es comme ça, sache qu'à mon avis, le plus stressé de vous deux, ça va être l'examinateur. Ouais. Je crois que le gars, du coup, peut te filer ton permis en sachant ça, il va se dire, vous savez quoi, vous faites pas chier, je vous le donne. Bon, hey, Corentin, Sois détendu, mon pote, ça va bien se passer. Ouais, bon courage. On t'embrasse. Le mec, il croit pas du tout. Ouais, bien sûr. 6h53, c'est Fun Radio. Il y a le Vaché Time qui arrive dans quelques secondes. Il a fait rapper une vieille dame, c'est à pleurer de rire. Mais pour l'instant, Mathieu Canabé. She's Miss California. Heard a thing once. Canabi, reprise de Dante Thomas. Et c'est vrai qu'hier matin, on a passé la version originale qui datait des années 90-2000 en s'excusant auprès de la famille de Mathieu Canabi. Et du coup, après, on a dit, est-ce qu'on n'essaierait pas d'appeler la famille de Mathieu Canabi, le chanteur, pour s'excuser de ne pas avoir passé le titre du garçon qui devait attendre depuis un petit moment. On a cherché sur le net, et donc sur le net, on a trouvé un André Canabi qu'on a appelé hier vers 9h10. On est tombé sur sa femme. Allô, je suis bien chez André Canabi ? Oui. Oui, bonjour, vous êtes André ? Non, c'est Angeline, sa femme. Ah, excusez-moi de vous déranger, j'appelle par rapport à Mathieu Canabi. Mathieu, oui, Mathieu Canabi, je connais pas moi. Ouais. Mais donc, après, elle nous a passé son mari, on a fait écouter un extrait de la chanson, et le mari a dit non, nous, ça nous intéresse pas. On n'est pas des saltimbanques. On aura la famille de Mathieu Canabi ce matin. Moi, je veux absolument qu'on ait Madame Canabi, mère ou quelqu'un de la famille avant 9h15, obligé. Dans 3 minutes, 7h. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, église dans le Lot-et-Garonne. Un prêtre est en garde à vue pour le viol d'une femme de 70 ans. Décidément, que ce soit avec les enfants ou les vieux, ce qui excite les prêtres, ce sont les couches. People, Nabila a déclaré « Mon livre m'a demandé beaucoup de travail, il sera probablement le seul que j'écrirai ». Alors, je ne sais pas si c'est le mot « livre »,« travail » ou « écrire » qui me fait le plus rire dans sa phrase. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé du pied. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement chez un podologue pour savoir comment se passent ces journées. Ah. Justement, voilà son premier patient. Bonjour monsieur, asseyez-vous et retirez vos chaussures. Alors, j'ai... Oh. Je me sens partir. Oh. Ouais, et encore Anthony, là c'est que le matin. Hein. Imaginez avec des patients en fin de journée. Et pour finir, si vous aimez les dessins animés et Franck Ribéry, regardez Moi, moche et moche. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Qui, honnêtement, pue des yeps dans cette équipe à part Mika Roca du JPI? Bah Mika. Non mais regarde ça. T'as Luzman au standard qui lève la main mais genre en fierté. Ouais. Comme si t'avais dit qui a son bac. Le mec il lève la main tellement haut genre moi. Ça va Luzman? Il est taré ce mec. Hein. Oui. J'ai pas réfléchi, c'est vrai que c'est honteux. Bah oui. Encore un super pouvoir. Hormis le fait d'être une burne au standard, Luzman pue des pieds, que des qualités, Luzman. Ah, il donne envie, hein. Bravo, Luzman, c'est notre standardiste. Hein. Alors, Luzman a une particularité, c'est le seul standardiste qui est super-héros, et il a sa tenue de super-héros tous les matins. Elle a été lavée cette semaine? Elle a été lavée samedi. Voilà, il va peut-être falloir y retourner un petit coup, quand même. Et Raïs Tréfi, ça va arriver sur Fun Radio, à tout de suite. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Petit bois. Coin cheminée. Tronçonneuse thermique. Quelle puissance? 46 cm3. Grande marque. Marque Hyundai. Chaîne Oregon. Guide aussi. Prix tranché. 79,90€. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Tronçonneuse thermique 46 cm3. Longueur du guide 45 cm à seulement 79,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Carrefour. Chérie, pourquoi t'as rajouté des bières sur la liste de courses? Bah, parce que chez Carrefour, j'ai vu une offre qui devrait te plaire. Ah bon, fais voir. Ah ouais, effectivement, dis donc. Jusqu'au 20 juin, on a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bières Heineken. Alors, elle est bien cette offre, non? Mais tu deviendrais pas un pro des économies, toi? Jusqu'au 20 juin dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme le pack de bières Heineken. Valable sur le pack de 24 x 25 centilitres modélité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Monsieur pas compris. Apostrophe Monsieur Papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur Papillon rétorque. Comprenez donc, monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, monsieur pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Kia. Voilà, les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Bonjour tout le monde, merci la famille d'avoir choisi Fun Radio là pour vous réveiller, pour attaquer ce jeudi. On est le 9 juin aujourd'hui, on est là sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. La page Facebook de l'émission, c'est facebook.com/Bruno dans la radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Juste une salmon pour les infos. Salut Juju. Salut mon Bruno. Bonjour à tous. Bon, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un grand soleil sur toute la France. Moi, j'ai répété bêtement le bulletin d'infos de Météo France. Je vois sur la page Facebook et sur Twitter des auditeurs qui m'envoient des photos de chez eux où il pleut. Oh, écoutez, ah, il pleut peut-être dans quelques petits villages, mais il va faire beau aujourd'hui. Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont ces villages. La France a besoin de savoir, parce que là, les gens, moi, je leur dis qu'il fait beau partout. Je dis sortez en short, en mini jupe. S'ils se font rincer la tronche, ils vont se dire j'ai dit des conneries. Je pense qu'on en a pour une demi-heure de météo si je te dis tous les villages à un moment. D'accord. C'est-à-dire que tu les connais pas, quoi. Okay. J'ai déjà du mal à placer Montpellier, alors un petit village. C'est dans le nord, non? C'est ça. Allez, la météo. Et donc, je vous l'annonce depuis quelques jours, et ça y est, c'est la journée la plus belle de la semaine. Alors, si là, vous avez un peu de pluie ce matin, rassurez-vous, ça va s'arranger. Mais où ça, il y a un peu de pluie? Un peu sur le sud-est, figure-toi. T'es vers Montpellier. Oh là là. Des petits soleils partout sur la carte de France. Elle fait ses infos, mais au feeling, en fait. Ouais. C'est complètement. C'est quoi? Et tu lui mets un bifton sur la table, elle te dit qui gagne le match de foot demain soir, mec. Bah, c'est la France. Le problème, c'est que Météo France est en grève visiblement, et c'est vrai que quand tu vas sur le site de Météo France, il y a aucun coin où il pleut. Peut-être la Corse, ils disent qu'il y a des orages, c'est tout. C'est mais ça. Mais Théo France, vu les prévisions qu'ils font, de toute façon, ils sont en grève depuis une dizaine d'années maintenant. C'est des petites villes qui n'ont pas de chance, simplement. Voilà, très bien. Allez, hop, la suite. C'est la bonne nouvelle du jour. Plus d'alerte aux intempéries. La vigilance orange aux orages a été levée par Météo France sur l'est de la France. Idem aussi pour l'alerte aux crues. Ça approche, ça y est, J-1 avant le début de l'Euro 2016. Les équipes continuent d'arriver en France. Hier, l'Autriche a pris ses quartiers à Avignon, l'Italie à Montpellier, l'Espagne à La Rochelle et Zlatan Ibrahimovic et ses collègues suédois à Saint-Nazaire. Il est à 7h04 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil. Fun Radio. Jeudi, c'est le 9 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h04. Bonjour! Merci d'avoir choisi la première radio dancefloor de France, de vous réveiller avec Fun Radio, c'est la famille, là tous les matins. Avec le son dancefloor de Fun, Ira Istrefi, ça va arriver dans 3 minutes. Il y aura Benny Benassi là avant la nuit. Je vous parlais tout à l'heure de la page Facebook de l'émission facebook.com/Bruno dans la radio. Vous la connaissez cette page. Vous pouvez balancer vos messages sur le mur ou en inbox. C'est ce qu'a fait. Il y a Léo qui a envoyé un message que j'ai lu tout à l'heure qui dit « J'ai pensé à vous la famille. Je viens de partir de chez moi et j'ai utilisé la dernière capsule de Nespresso. Je ne l'ai même pas laissé à ma chérie. Elle n'aura pas de café ce matin. Je suis à gros thug. Hashtag thug life. J'adore. Et ça, j'adore. Franchement, alors on le fait de temps en temps, une fois tous les 10 jours, on vous ressort les thug life parce qu'on a tous des vies de thug où tu as l'impression, l'espace de quelques secondes, d'être un rebelle. Tu vois, on déconnait tout à l'heure là, avec l'auditeur qui va passer son permis. Je lui disais, voilà, tu vois, fais le Snoop Dogg dans la voiture. On a toujours un moment où on est un gros rappeur qui a aucun respect de n'importe qui, de n'importe quoi, et on fait des trucs en disant ouais, thug life. On en fait un dans un quart d'heure, ah, ou pas, ouais. 32-28. Moi, par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était avant-hier, d'accord. Et j'ai, vous savez, j'ai un petit bip d'autoroute pour pouvoir passer au péage. Ah, oh, tu l'as, le truc télépéage, ouais, pour aller exactement. Plus. Voilà. Et donc, et comme j'ai deux voitures, des fois, je le prends, je le mets dans l'autre voiture. Okay, ouais. Et puis, dans la voiture dans laquelle j'étais, je l'avais oublié. Ouais. Et donc, ça m'a fait chier de m'arrêter à la carte bleue. Donc, j'ai collé. C'est pas bien, ce que je veux dire. Oh, non. C'est pas bien de le faire. T'as collé. J'ai collé au cul de la voiture qui était devant moi, d'accord. Et je suis passé gratuit. Oh. Et tu sais qu'il y a des caméras qui peuvent te retrouver, tu peux prendre une amende. Thug amende. Juste, rien à voir, je vous ai jamais raconté cette histoire. Ça m'est arrivé il y a 2 mois quand on était en vacances. J'étais sur l'autoroute, c'est assez rapide, hein. Et là, je prends une file au payage. Et je me dis, putain, il y a personne celle-là. Au payage, oui, je dis payage. Et je prends la file et tout, et je dis, putain, il y a personne, c'est super, il y avait du monde. Je roule. Et là, j'essaie de mettre ma carte et tout, ça passe pas. Je fais de la merde et tout. Vous doutez bien de la chute, hein, j'étais sur une file de télépayage, donc la carte bleue marchait pas, tout le monde klaxonnait derrière, j'ai dû appeler l'opérateur qui est venu genre autorisé pour mettre la carte bleue, ça a duré 10 minutes, tout le monde m'a insulté. Voilà, moi je vous l'offre, hein, c'est une petite anecdote. Ah ouais. Eh ouais, elle était pas longue en plus. Merci. Merci Elliot. Vous venez en direct sur Fun Radio de vivre ce qui sera l'anecdote la plus chiante de l'année 2016. Et le pire, c'est qu'il dit, j'ai une petite anecdote, je vous la fais rapide. Mais mec, t'as commencé en 96. J'ai des potes, ils sont morts de vieillesse. Bon, hey, vous avez des délires un peu thug, là. Voilà, quand on dit thug, c'est le rebelle à deux balles. Et ben, vous nous appelez. 32-28, on fait de la radio ensemble. Et puis, il y a le hashtag Bruno Fun Radio, là, sur les réseaux sociaux. Allez, va chez Time. Fun. Le Vaché Time. Le Vaché Time. C'est quoi? Oui. Ce qui est énorme avec Elliot, c'est qu'à son œil, je sais qu'il me regarde en me disant je vais dire un truc chiant, mais genre arrête-moi. Mais ouais. J'aime bien me confier. Alors. Ouais, mais alors fais-le à des gens de ta famille. Là, tu sais que c'est diffusé, cette émission. Mais c'est vous la famille. Bon, Vacher, si vous avez un téléphone, vous pouvez être sa victime. Et c'est vrai que Vacher, c'est pas bien, hein, mais de temps en temps, il aime s'en prendre aux petites mamies. Et alors là, il est tombé sur une petite mamie de 84 ans. C'est ça. Et je me suis fait passer pour un mec qui travaille dans une pizzeria, voilà, qui veut faire un petit cadeau à cette mamie. Sauf que moi, je lui pose des questions en rappant. Mmh. Et souvent, quand j'appelle les gens en rappant, ils me répondent aussi en rappant. Et quand c'est une vieille de 84 ans qui fait ça, bah, ça donne ça. Mmh, on écoute. Oui. Bonjour madame, je suis livreur de pizza. Je livre des pizzas gratuitement. Il faut me dire ce que vous aimez en rappant, s'il vous plaît. Savez-vous rapper? Non, du tout. Oh. Vous savez, je suis une mamie de 84 ans. Et... peu importe ton âge, mamie, dis-moi quelle pizza tu aimes, je t'en prie. J'aime la margarita et aussi la regina. Je peux te les livrer pour dans 2 heures. Est-ce que tu serais d'accord, mon petit cœur? Alors je dis non merci, dans 2 heures ça sera trop tard. Piki piki, je peux te le faire pour dans 1 heure. Piki piki, c'est tout à mon honneur. Piki piki, ça serait bien. Piki piki, si c'est possible. Dois-je les prédécouper? Ah! Ou est-ce que vous vous en fichez? Ah! Oui, s'il vous plaît. Ah! Prédécoupez-la. Ah! Boubi Booba, marché conclu. Boubi Booba, quel est le numéro de votre rue? Boubi Booba, le 127. 1. Boubi Booba, faut sonner à l'interphone. Ok, ben je prépare ça tout de suite. À tout à l'heure. Bon, d'accord. Au revoir. Ah, c'est génial. Elle Bravo. Est si mignonne, la petite grand-mère. Ça va, j'ai pas été méchant. Vous restez non. sur Fun Radio, je paye de la facture dans 3 minutes. Et puis, je vais vous parler d'un truc extraordinaire. Là, c'est une info qui est tombée. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Ça va se passer du côté du Brésil, d'accord? Et alors, il y a un fait divers. Ouais. Mais qui s'est passé hier pour vous dire qu'ils vont être bien, les Jeux Olympiques. Ils vont être un peu trash, mais ils vont être bien. Vous allez comprendre là. Je vais vous en parler sur Fun juste après. Era Istrefi. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. No hay manera de probarme a tu lugar. No sé dónde. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Era Estrefe with Bruno on Fun Radio. Oh, j'adore cet accent. Ah, c'est chaud. Oh, je l'imagine tout de suite en manteau de fourrure nu dessous. Est-ce que c'est un cliché ou pas? Vous m'aidez, ceci dit, dans le club, elle est un peu dans un manteau de fourrure un peu sexy. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Très beau club. D'accord. Bon, on fait partager le moment Tug Life. Dernière fois que vous avez été rebelle, venez nous le raconter. La 32-28, on fait de la radio ensemble, comme Léo qui nous a balancé un message tout à l'heure sur Facebook en disant je suis parti de chez moi, j'ai utilisé la dernière capsule de Nespresso, il n'y en a pas pour ma meuf. Tug Life. 32-28, on fait de la radio ensemble. Mais pour l'instant, je voudrais vous parler des Jeux Olympiques. Parce que là, et pour toutes les... je dis les nanas, mais il y a plein de mecs quand on n'a rien à foutre du sport. On va passer de l'Euro au Tour de France, du Tour de France aux Jeux Olympiques de Rio. On sort à l'instant de Roland-Garros. Je veux dire que pour les gens qui n'aiment pas le sport, ça va pas être la fête. Ah, tu m'étonnes. Vous savez où ça se trouve quand même, Christina? À Rio. Oui, bien sûr. Jeux Olympiques qui se déroulent au Brésil cette année. Il y a la famille qui va participer aux Jeux Olympiques, Elliot. Vacher, la belle famille. Ouais, je pense qu'ils vont aller faire un tour. Ils sont à côté, ouais. Ils vont aller voir un petit peu les gens courir et se passer le relais et tout ça. J'y connais rien aux Jeux Olympiques, hein, je crois que ça se voit. À Copacabana, il y aura une épreuve de natation olympique, d'accord, sur une plage. Ouais. Et alors, il y a une photo qui a été prise hier, il va y avoir un petit problème. Ah, ils n'ont pas construit la piscine, non? C'est marée haute. En fait, ça s'est passé au niveau de la plage. Ah, il n'y a pas d'eau? Ça manque de sable. Non, il y a du sable, tout va bien. Il y a des galets? Non, il y a des galets, je ne sais pas, il y a du sable, des galets, peut-être il y a des coraux, des algues, non, c'est pas ça le problème. Bah, il y a trop de monde, ils vont avoir du mal à se frayer un chemin. Problème dans l'eau. Ah, dans l'eau, ouais. Ah, genre, elle est pas, on ne peut pas se baigner? Si, on peut se baigner. Il y a des requins. Exactement. Ah merde. Bah, s'il nage assez vite, il risque rien. C'est ça. Ouais. On n'est pas à l'abri de battre des records. Parce que je peux te dire que les nageurs français, Lacour, Amiel, tout ça, déjà, ils nagent très très vite. Ouais. Tu leur fous un grand blanc au cul, à mon avis, on va avoir de la médaille d'or. Hein. Bruno, allô ? Paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio, je paye de la facture. Alors vous aussi, tentez votre chance en envoyant votre facture à facture@funradio.fr ou à Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture, vous le savez, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. On part dans le 4-4 ce matin. Ah. Allez, Loire-Atlantique. Yeah. On part du côté de Guérande. Ah, c'est joli, Guérande. Ah, c'est le sel. Oui. Ah oui. Le sel de Guérande. Mais la ville est très belle aussi. D'accord, très bien. On va arrêter de parler. Sonia. Allô? Oui. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, qui est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Eh ben voilà. Yeah. Oh, super. Bravo. Yes. Génial. Sonia, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 30 ans et je suis secrétaire indépendante. Secrétaire indépendante, d'accord. C'est-à-dire que tu es le secrétariat chez toi. Voilà, c'est ça. Mais pour plusieurs entreprises. C'est ça. D'accord, très bien. 182 euros, quelle est donc cette facture, Sonia? Alors en fait, c'est une facture parce que je vais participer à un ghost hunt. Et c'est une chasse aux fantômes, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Et donc, ce sera avec une équipe professionnelle de recherche dans le paranormal. Ah mais en vrai? Pardon? En vrai, moi, je crois que c'était un truc genre le paintball, tu vois, un truc marrant. Quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Non, c'est vraiment pour participer, donc c'est dans un château que ça se passe. Ouais. Et donc, on va faire une chasse aux fantômes, entre guillemets. Donc, on devra voir s'il y a des phénomènes paranormaux dans ce château. D'accord. Bah, c'est horrible, c'est flippant même, non? Imagine. Mais, si je compare, par exemple, à la chasse aux sangliers, tu vois, les chasseurs, ils chassent aux sangliers, après, ils le mangent. Est-ce qu'avec le fantôme, c'est un peu le même principe? Non, pas du tout. En fait, on dit chasse aux fantômes, mais en réalité, c'est juste pour déceler éventuellement s'il y a des phénomènes paranormaux. Alors, ça peut être vraiment minime, comme ça peut être une grosse manifestation. Enfin bon, on peut pas vraiment savoir à l'avance. Ouais, moi, tu sais quoi, et je sais que tu t'es fait enfumer de 182 euros. Parce que la grosse manifestation, tout le monde l'a vu, elle est à Garmont-Parnasse en ce moment et ça fume bordel partout. c'est la seule qui est en ce moment. Ouais, bah, c'est son délire, écoute. Bon, Sonia. Chacun, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien, quoi. Mais bien écoute, sûr, t'as raison. Si c'est ton délire, on va pas aller à l'encontre de ton délire. 182 euros, Sonia, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi, d'accord? Ah, c'est super, merci beaucoup. Hein. On te fait des bisous, ma belle.

Il lui dit même tout le temps « je t'aime » et elle, elle ne le dit pas. Ils se Skype tous les soirs, ils sont au téléphone. Et puis là, il y a eu une engueulade. Bah oui, parce qu'ils se sont rencontrés en colo, donc ils habitent très loin l'un de l'autre, genre à 400 bornes, un peu plus. Et apparemment... elle s'est rapprochée d'un autre gars, la petite Lisa, et il s'est vexé, donc il lui a dit, il se sent engueulé. Il a l'impression que depuis c'est plus pareil. Ouais. Moi, j'ai toujours peur, parce qu'à 15 ans, ça te marque beaucoup, hein, quand tu te prends à bâche à 15 ans. Mais bon, on va faire passer un message à sa meuf, ou son ex, je sais pas, on a déjà la chanson. Comme tu le sais, Lisa, on s'est engueulé. Et j'ai l'impression que quelque chose a changé. Est-ce que vraiment ça a changé? Réponse tout à l'heure, 7h30. Dans la demi-heure, les amis, je vais vous faire plaisir. Enfin, en tout cas, je vais me faire plaisir. Ça nous fait plaisir. J'espère. Un de mes morceaux préférés de David Guetta, When Love Takes Over. Ça arrive là sur Fun Radio, mais pour l'instant, Thug Life. Léo nous a écrit ce matin sur Facebook. J'ai pensé à vous la famille, je viens de partir de chez moi, j'ai utilisé la dernière capsule de Nespresso. Je l'ai même pas laissé à ma chérie. Ouais, elle aura pas de café ce matin. Je suis un thug. Hashtag Thug Life. J'adore ce moment. On le fait de temps en temps sur Fun Radio. Les derniers moments, on a été un petit peu des rebelles. Des rebelles à deux balles. Christina. Moi, ce matin, je suis allée à la fontaine à eau. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai fait tomber un gobelet par terre. Je l'ai même pas ramassé. Vaché. Ouais, il y a deux jours, j'étais où il y a deux jours? J'étais chez Ikea, un magasin de meubles. Ouais, je suis allé avec Fonf pour l'aider à acheter un meuble. Ouais. Il peut confirmer les derrière, ça va mon ouais, gros. Et chez Ikea, pour ceux qui connaissent, tu peux prendre un crayon de papier pour écrire tes listes, ce que tu veux. Et ils disent un crayon par personne. Combien j'en ai pris, Fonf? Combien j'en ai t'en pris? J'en ai pris 10. J'en ai pris 10, ils sont chez moi, dans ma gueule. Rien à foutre de la vie. Fabrice, il est à Nantes. Bonjour Fabrice. Salut Bruno, salut l'équipe. Salut. Allez, balance un moment thug. Ouais, hier, normalement, je finissais le taf à 17h et je me suis barré à 16h58. Thug Life. 2 minutes dans la tête du patron. Bra. Tu vas faire couler l'entreprise, c'est trop bon, frère. On t'embrasse, Fabrice. Salomé, 28 ans à Rouen. Bonjour, Salomé. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut Salo. C'est pas joli comme surnom, j'avoue. Le dernier moment thug que t'es vécu, Salomé, c'est quoi? Bah moi c'est hier, j'ai mis un courrier qui est dans le 31, je l'ai mis en 76. Thug Life. Thug Life. J'ai pas trop compris, mais ouais. Moi je vous ai raconté, j'étais au supermarché tranquille et tout, et je vois il y a des nectarines, mais coûte un peu cher. J'adore les nectarines. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets une nectarine dans le sac, je vais peser, je colle l'étiquette, et après je remplis, je mets 10 nectarines. J'ai payé le sac de 10-30 centimes. Bra. Oui, Christina. Il y en a plein qui arrivent sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il y a Eric qui dit hier, entraînement de l'Ukraine, ils ont demandé d'applaudir. Je l'ai pas fait. Thug Life. Lauriane et AM, on est dans le 59. Bonjour Lauriane. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Allez, ton dernier moment thug, c'était quoi? Alors, moi, j'ai pas payé mon carré de beurre au self-service au travail. Thug Life. Tu vas finir en zonze avec ça, t'es où? Ah oui, tranquille. J'adore. Bon, hey, vous pouvez continuer à en balancer, hein. Notamment sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. J'adore ces moments. Les moments thug, je crois que c'est un de mes moments préférés de l'émission. T'as l'impression d'être tellement un rebelle. Tu te dis, ouais, putain, je vais avoir le SWAT de Los Angeles sur ma gueule. Benny Benassi, Paradise sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before.

Une opération est en cours au marché de Rungis près de Paris. Plusieurs centaines de manifestants, des militants CGT principalement, bloquent les lieux pour protester contre la loi travail. Et des barrages filtrants ont créé des bouchons monstres à l'heure de pointe, évidemment. Et ça continue aussi sur les rails. La SNCF reconduit sa grève. On en est au 9e jour. Et chez Air France, une grève doit normalement commencer ce samedi. On n'a jamais été aussi proche du début de l'Euro. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture et à 21h, la France jouera contre la Roumanie. Ça y est, Didier Deschamps à son équipe. Dimitri Payet accompagnera Olivier Giroud et Antoine Griezmann en attaque. Les Bleus s'entraîneront aujourd'hui en fin de journée au Stade de France. Et puis, plus de tennis pendant 2 ans pour Maria Sharapova. L'ancienne numéro 1 mondiale vient d'être suspendue pour dopage. Il est 7h34 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil à tous. C'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller comme chaque matin. Voilà, Fun Radio, c'est quoi? C'est le son dance floor. Le son dance floor d'aujourd'hui. Le son dance floor d'hier, genre David. David Guetta, ça arrive là dans quelques secondes. When Love Takes Over avec Kelly Rowland, 10 euros. Aux alentours de 8h moins le quart avec Bailar. Et puis juste avant 8h du matin, c'est Justin. Vous êtes fidèle, vous nous écoutez depuis 5 ans. Vous êtes à peu près fidèle, vous nous écoutez depuis 2-3 ans. Vous êtes nouveau sur Fun Radio, vous nous écoutez depuis quelques jours, voire quelques semaines, ou peut-être seulement 1 ou 2 mois. Eh bien, sachez que comme tous les autres, vous faites partie de la famille. C'est la famille Bruno dans la radio. Il y a Christina qui est là ce matin. Oui. Il y a Vaché. Oui. Il y a Elliot. Yeah. Et la famille, on va chercher à résoudre le problème d'Antonin ce matin. Are you ready? Bruno. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. La chanson du jeudi. Faites sonner le clairon pour Antonin. Salut la famille. Salut, salut mon pote. Antonin, 15 ans, t'es à Lyon, c'est bien ça? Ouais. Bientôt les vacances, Antonin? Bah, c'est demain. Ah bah putain. Déjà demain? Demain déjà? Bah ouais, c'est demain. Mais comment non. Ça se fait? Bah parce que je suis en seconde et il n'y a pas les terminales premières. Ah enfin, oui, à l'année de seconde, c'est magnifique, ouais. Tu finis au début du mois de juin. Ouais, c'est vrai, grave. La seconde, c'est t'es entre les deux. Tu sais que l'année d'après, t'auras le bac de français. Ouais. L'année d'avant, t'avais le contrôle le brevet, pour ouais. Le brevet. La seconde, t'es à la cool. Bon, Antonin, alors tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu m'as expliqué que depuis un mois et demi, t'étais avec Lisa, que tu as rencontré l'année dernière lors d'une colo dans les Alpes du Nord. Est-ce que vous avez, d'un point de vue physique, fait des petits bisous sur la bouche ou pas encore? Non, pas encore. Il n'y a pas pu. Ouais, parce que toi, t'es à Lyon, mais elle est à Paris. Ouais, d'accord. C'est très dur. Bon, tu m'as dit que t'arrêtais pas de lui dire tout le temps que tu l'aimais. Elle te le dit pas, mais elle te le montre par des petites attentions, notamment sur des posts qu'elle met sur Facebook et tout ça. C'est ça, Antonin? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, si elle met le smiley avec le cœur dans les yeux, c'est bien parti déjà. Ouais, bah, elle le met tout le temps, donc c'est bon. Non, ça va alors. Bon, il y a environ une semaine, Lisa s'est rapprochée d'un autre mec. Et ça t'a pas plu, et tu l'as engueulé parce que ça t'a énervé. Et là, depuis, t'as l'impression que quelque chose est détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Non, mais en fait, j'ai pas voulu, mais ça va être, j'ai mêlé un pote à notre histoire, et elle était dans des moments où elle était pas bien, et du coup, elle fait comme ça, elle s'était rapprochée, mais. Je suis tout seul au final, mais en fait j'aimerais juste lui dire que voilà, je l'aime et que j'ai envie de tout passer, c'est le passé, c'est le présent, et voilà, je l'aime et puis basta en fait. Ah, tu m'as même dit, parce que t'as 15 ans, mais le gars voit loin, hein. Dans 2 ans tu veux monter à Paris pour ton école de radio, tu veux faire de la radio, c'est ça Antonin? Ouais, c'est ça. Et donc tu veux y vivre, et vu que tu vivras à Paris, tu voudras sans arrêt la voir, après c'est dans 2 ans. Ouais, bah oui. Surtout que toi t'as 15 ans, mais elle en a 13. Ouais, c'est aussi ça le problème. Bah oui, mais surtout, vous allez vous revoir quand? Parce que j'imagine que c'est compliqué. Vous avez prévu de vous revoir au moins cet été? Mais justement, le problème, c'est qu'elle a. Je sais pas, elle assume pas trop la différence parce que. Enfin, je pense qu'elle a peur et du coup, tant qu'elle le dira pas, et ben, ça sera toujours un peu un problème de se voir. Bon, écoute, ça va. Antonin, ça va pas être simple, et je sais en plus. qu'à 15 ans, c'est le genre de truc qu'on prend vraiment à cœur. Bien sûr. Je vais tout faire pour que ça se passe bien, mais alerte pu du cul quand même, Antonin. Voilà, je te dis, autant dans des alertes Rimmel, là, je lancerai une petite alerte pu du cul parce que ça me paraît compliqué. On va l'accueillir à l'antenne, on lui fait la chanson et après tu te débrouilles avec elle. D'accord, Antonin ? Ok. Tu bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Lisa, je m'appelle Bruno, t'es en direct sur Fun Radio, l'émission Bruno dans la radio. Ah ouais ? Bah ah, ok. Ouais. Tu connais l'émission ? T'as déjà écouté ou pas ? Oui. Eh bah très bien. C'est la chanson du jour, Lisa. Chanson du jour, ça veut dire que j'ai un message pour toi sous forme de chanson. C'est un message de la part d'Antonin. D'accord. T'écoutes les paroles et on en parle juste après ? Oui. Eh bah c'est parti. Comme tu le sais, Lisa, on s'est engueulé. Et j'ai l'impression que quelque chose a changé. Je suis désolé, tu sais, si je t'ai blessé. Alors que dirais-tu de tout oublier ? Car j'ai du mal à m'endormir le soir. J'ai l'impression que tu as enlevé le petit cœur à côté de mon nom, à l'intérieur de ton répertoire. Je suis sur Facebook toute la journée, car je ne supporterais pas de voir quelqu'un d'autre te smaquer. Je serais dégoûté. Que dirais-tu, Lisa, qu'on s'aime comme avant, qu'on oublie le passé et qu'on aille de l'avant. Même si on est loin, t'inquiète, je pourrais toujours t'envoyer des snaps de moi avec les oreilles de chien. C'est mignon. Lisa. Oui. Est-ce que t'as compris le message ? Oui. Et pareil, vous vous êtes pris la tête avec Antonin pour des conneries ? Oui. Tu l'aimes bien ? Tu l'aimes bien, Antonin, ou pas ? Bah oui. Bah, ça se sent à ta voix. Ouais, elle est un petit peu. Bah, c'est touchant comme déclaration d'amour. Mais c'est compliqué, hein, une relation à distance comme ça. Ah, bien sûr. Surtout à cet âge-là. Ouais. C'est la classe qu'un mec fasse ça pour toi. Quoi. C'est classe. Ouais. Lisa, et tu l'aimes, toi, Antonin, ou pas ? Oui. Bon. C'est trop mignon. Ouais, c'est bien, bien sûr. Antonin ! Oui ? T'es en direct avec Lisa. Salut, Lisa. Bon, bah voilà, comme c'est dit dans la chanson, j'ai pas envie de te perdre, surtout que j'ai passé un peu plus d'une demi-année à ramer pour que ça devienne sérieux entre nous, et que j'ai pas envie de tout gâcher à cause d'histoires bêtes comme ça, qui s'est passée plusieurs fois, et franchement, j'ai envie de tout laisser dans le passé, surtout que j'ai des réels sentiments pour toi, enfin voilà. Ouais, quand j'ai pris ma décision de te dire que voilà, je voulais pas, je t'aimais vraiment. Et ben, je t'aimais vraiment. Je l'ai pas pris à la légère la décision. Et voilà, tout simplement, tu comptes pour moi. C'est, tu comptes le plus à mes yeux. Je veux, voilà, même si la distance est dure, qu'il y a l'âge. Enfin voilà. Franchement, je m'en fous de nos amis, de nos parents qui pensent que c'est pas possible entre nous, parce que moi, je pense que c'est possible. Et voilà. Et tu m'as dit il y a une ou deux semaines que voilà, que t'aimerais que l'homme de ta vie, ben, il assume devant le monde entier qu'il t'aime, et ben là, je l'assume devant 2 ou 3 millions de personnes. Voilà. Là, les amis, on a le chevalier blanc du jour. Là. Oh, ouais. Bon, Lisa. Oui. On arrête cette prise de tête, vous reparlez comme avant, d'accord ? Ouais. Ok. Lisa, elle parle pas fort parce qu'à mon avis, elle a peur de se faire engueuler par ses parents qui vont lui dire on peut savoir à qui tu parles à 8h moins le quart. Non, mais t'en as de la chance, ma chérie, profite. Ouais. Lisa, je te fais des bisous, ma belle. Ouais. D'accord. Bisous. Ciao, ciao. Puis elle a raison, Lisa. Elle a raison, Christina. Lisa, faut profiter maintenant parce que c'est pas à 15 ans que les hommes sont les pires. C'est plus tard qu'on commence à tromper, qu'on commence à boire des coups. C'est pas faux. Antonin ! Oui ! Allez, bonnes vacances, mon pote. On t'embrasse. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Extraordinaire. On aurait cru qu'il avait 45 balais, quand même, quoi. C'est ça. C'était juste une certaine maturité sur notre relation. David Guetta arrive sur Fun Radio. Bonjour, Déborah. Bonjour, la famille. Bah, hey, amour toujours, hein, ce matin. Déborah, t'as un moment, love. Tu vas nous parler de ton histoire d'amour qui est un peu barrée dans moins de 3 minutes, d'accord ? Pas de soucis. Et ce sera en direct sur Fun Radio, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Eraï Streffy. Hey, it's David Guetta. It's our thing.

Justin Timberlake, ça va arriver là sur Fun Radio. Can stop the feeling. Il y aura Amir. Elodie. You. Ça arrive là sur Fun Radio. Mais pour l'instant, nous allons parler d'amour. Putain, on est très love ce matin. Mais ça fait plaisir quand même. Bonjour Déborah. Bonjour Bruno, bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour. Déborah, tu as 29 ans. Déborah, tu vas nous parler d'un moment love. Oui. Exactement. Il s'appelle comment ? Alors plutôt, il faut que tu me dises, il s'appelait parce que vous êtes toujours ensemble ou pas ? Oui, on est toujours ensemble. Ah d'accord, oui. Vous êtes toujours ensemble. J'ai cru qu'il y avait une séparation, donc tout va bien, ça me rassure. Et il s'appelle comment ? Il s'appelle Michael. Michael, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire d'amour avec Michael, s'il te plaît ? Ok, donc étant portugaise, quand j'étais plus jeune, j'allais énormément dans les soirées avec mon papa. Ouais. Donc j'avais environ 15-16 ans. Et j'avais remarqué un jeune homme, mais j'étais jamais allée le voir parce que j'étais beaucoup trop timide et je pensais qu'il était inaccessible. Ouais. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui parler. Hein? Et on s'est, il m'a avoué que lui aussi, il me regardait du coin de l'œil et qu'il était jamais, il avait jamais osé venir me parler non plus. Mm-hmm. Et donc, on a flirté pendant quelques semaines. Et moi, en fait, j'ai coupé les ponts. Bon. Ce qui est dommage dans une soirée portugaise, en général, on les fabrique. Mais pourquoi t'as coupé les ponts ? Bah parce qu'en fait, j'étais jeune, je voulais profiter de ma vie, je voulais pas me mettre en couple, j'avais peut-être peur aussi qu'il me fasse du mal, je sais pas, j'ai coupé les ponts. Ok. Et donc, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai vécu une histoire de 6 ans avec quelqu'un d'autre. Uh-huh. Et il y a 5 ans de ça, j'ai quitté mon ex. Et ouais. Je sais pas si c'est le destin qui nous a remis sur le chemin, sur le même chemin, mais il m'a recontacté, il m'a retrouvé sur Facebook et il m'a recontacté. Et donc on s'est revus et on s'est remis ensemble. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble, qu'on vit un amour fusionnel et on va se marier dans 3 mois. Oh, ah, c'est énorme. Bravo. C'est beau. Ah ouais. Moi j'aime bien cette émission parce que on peut passer d'un prout qui nous fait rire à un moment émouvant. Ouais, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on revient vite au prout quand même, mais c'est bien. Ça, c'est vraiment digne des plus grands films d'Hollywood, tu sais, des comédies romantiques. Retrouver quelqu'un comme ça des années après, se remettre ensemble alors que ça n'avait pas marché. Bah, le début de l'histoire, c'est pas trop Hollywood. Hein. Être en train de pécho un mec pendant que t'as ton père portugais à côté qui te regarde, ça n'est pas super à l'aise. Mais ça mène à la déprime, hein, vos histoires. Parce que quand tu penses que ma meuf, je l'ai rencontrée en soirée, ça devait être un plan cul à la base et après, c'est resté ma meuf. Moi, je vais pas faire rêver avec mon histoire. Ah non, ça, je te confirme. Puis alors, avec la voix, et ouais, avec la voix ouais, que tu prends pour ouais. le raconter. Mais, et on parle de... Qu'est-ce qui se passe Ouais, j'avais un chat dans la gorge. Ouais, ouais, tu lui as mis une main au panier, quoi. Et puis tu lui as dit, bon, bah, viens à la maison, quoi. Et puis, non, mais... toujours vivant. Toujours. Déborah, on te fait des bisous, ma belle. Moi aussi, la famille. Bisous. On t'embrasse. Passe une belle journée à l'écoute de Fun Radio. Oh là là, ça y est. Moi, j'y suis. J'entends ça, je suis en vacances. David Guetta sur Fun Radio. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Yeah. Quand je pense qu'il y a un an, aux alentours de 4h du matin, David Guetta était au platine du Pacha Club à Ibiza, qu'il a balancé ce son et que j'étais derrière lui au platine, j'étais comme un ouf. Et là, vous vous dites, ouais, bah, super, arrête de partager tes expériences parce que nous, on le fera jamais. Bah si, vous allez partir à Ibiza grâce à Mike Posner. Dans une demi-heure, on va jouer. Jeu des 30 secondes sur Fun Radio, vous pouvez vous inscrire où vous soyez, qui que vous soyez à travers toute la France, en appelant le 3228. Et pour fêter la fin de saison, toute l'équipe de Fun Radio va participer à l'opening d'Ibiza, c'est-à-dire l'ouverture officielle de la saison d'été d'Ibiza. C'est un événement mondial et ça va se faire avec Fun Radio. Ça va se faire avec l'Ushuaïa Club, qui est le plus gros club d'Ibiza. Et ça va se faire avec vous. Vous avez fait le succès de cette émission cette année. On veut vous emmener avec nous. Et ce sera pas genre on vous emmène, on vous lâche dans un coin pendant 3 jours, vous ne nous voyez plus. On vous emmène partout. On va déjeuner ensemble, on va bronzer ensemble, on va aller à la piscine ensemble. Bien sûr, et plus si affinité, oui, me dit Vaché. Oui, on peut genre aller au musée ensemble, parce qu'il y a des musées à Ibiza, bien sûr. 32-28. On va jouer tout à l'heure à 8h30, mais pour l'instant, c'est le JPI. Le JPI vous est présenté par La Grosse Émission, tous les jours sur Comédie Plus, à 18h22. Environ. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, faux journal de l'émission, c'est la 2e édition. Bonjour, je suis Karine Assiamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, Euro 2016. Ce soir, c'est le grand show d'ouverture de l'Euro avec des stars comme David Guetta. Génial. Kenji. Super. Les Black Eyed Peas. Ah, canon. Et Slimane de The Voice. Ah, bon bah ça partait bien pourtant. Football, J-1 donc avant le match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie. Les Roumains aimeraient bien gagner 1 euro. Non, vous voulez dire l'euro. Non, non, 1 euro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nico Saliagas va entrer au musée Grévin. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Hashtag Grévin, hashtag fier, hashtag heureux, instakiff, instagresse. Qu'est-ce que vous faites, Anthony, là? Je demande à Nico s'il est heureux et fier de rentrer au musée Grévin. Je m'adapte à son langage. Ah, vous faites bien, Anthony. Une fois que vous aurez sa réponse, prenez-la en photo et postez-la sur Snapchat avec un filtre toaster. La suite. Et pour finir, si vous aimez les très, très, très, très bonnes vannes, eh bien, n'écoutez pas le JPI. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. De toute façon, pour le JPI, il y a 2 écoles. Ouais. Il y a ceux qui adorent, je le vois sur Twitter, et vous pouvez le dire d'ailleurs avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il y a ceux qui détestent. Il n'y a pas des gens qui sont en middle, tu vois, en mode ouais, c'est sympa et tout. Non, non, ouais. Maintenant, il faut faire la part des choses entre ceux qui détestent et ceux qui aiment. Ce serait bien. Ouais. Bah, histoire de voir si on vous garde l'année prochaine ou pas, quoi. Surtout. Ouais, bah oui, c'est ça. Hashtag Bruno Fun Radio. Venez prendre la défense de l'équipe du JPI. Leur avenir ne tient qu'à vous. C'est agréable. Ça met à l'aise. Hein, ce genre de... ouais, ouais. T'imagines si on faisait ça? Bon, on va voter pour les gens de l'équipe, ceux qu'on garde ou pas l'année prochaine. Quelle horreur. Hashtag Bruno Fun Radio. Moi, je décide rien. C'est vous qui choisissez. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. 8h10, je vais payer de la facture, peut-être la vôtre. On va parler people avec Christina là dans la demi-heure qui arrive, inviter people ce matin. C'est Carla des Marseillais, on va beaucoup parler de David Guetta. Bah oui, dès ce soir, elle mixe à Paris. Allez, à tout de suite. Breaking news. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La Grosse Émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22. Environ. La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive Gallo de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vichère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur.

8h30, vous pouvez jouer avec moi, appelez maintenant. Vous appelez le 3228 et vous partez à Ibiza, la famille. Oui, à toi aussi. Pour deux personnes, on vous amène avec nous. On va partir faire la fin de saison à Ibiza. Et on a décidé, pour vous remercier de votre fidélité, d'amener des auditeurs de Fun Radio. Vous voulez nous accompagner, c'est tout frais payé. Vous faites pas chier, vraiment, on s'occupe de tout. 32-28, on jouera tout à l'heure à 8h30. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Et bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et alors j'ai une info qui est tombée ce matin, qui est assez ouf. Est-ce que vous aimez en général les films un peu genre policiers, les films à suspense, les séries policières, les trailers, les vieux Columbo, les trucs vous aimez ça ou pas? Les films policiers pourquoi pas, les séries policières non, ça m'a saoulé. Ah, les experts ils nous ont fait chier pendant 10 ans là, c'est non, bon. Mais je parle pas de séries policières genre les experts où avec un poil de cul t'arrives à arrêter toute la mafia new-yorkaise. Non, je parle de vraies séries policières avec des enquêtes. J'aime bien moi. Oui, oui, t'aimes bien, oui, oui, j'aime bien, moi. Les amis, je suis tombé sur un truc de ouf. Un homme a été tué par balle en 2015 aux États-Unis. D'accord. Ouais, pour l'instant, c'est pas super drôle. Il a été abattu à son domicile dans le Michigan. Là non plus. À côté, gît sa femme, gravement blessée, après avoir reçu une balle dans la tête. Les enquêteurs privilégient dans un premier temps la tentative de double homicide. Ils en viennent ensuite à considérer la femme comme suspecte potentielle. Elle aurait pu, selon eux, assassiner son mari avant de tenter de se donner la mort, même si elle dit le contraire. Bon réveil sur Fun Radio. Non, mais okay. Tu vois, je mets un peu cette ambiance-là parce que j'aime bien les émissions où ça fait un peu peur comme ça. Là, on est un peu en fait entré l'accusé. Hein. Exactement. Seulement, il y a un témoin à cette scène. Il y a un témoin qui est en ce moment même et depuis quelques mois maintenant interrogé par la police. Le chien. Et qui pourrait désigner le coupable. Je suis sûr que c'est ça, c'est le chien. Non, c'est pas le chien. Un perroquet. Ouais, exactement. Mais non. Ah bah oui, c'est le seul animal qui parle. Exactement. Alors le c'est truc. Elle, c'est la dame. En fait. Le perroquet répète depuis cet assassinat, d'accord, en boucle, don't fucking shoot, ce qui veut dire putain ne tire pas. Et donc le perroquet arrête pas de faire putain ne tire pas, putain ne tire pas, putain ne tire pas. Et donc là ils sont en train d'essayer de faire dire au perroquet mais qui? D'accord. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme non, ou pas? Après peut-être que le propriétaire avait l'habitude de jouer avec son perroquet au tir sur mon doigt et à chaque fois il disait putain ne tire pas, putain ne tire pas. Tu vois, ça n'a rien à voir. Oh non encore. J'ai encore perdu. Oh. Vous faites bien le perroquet en tout cas. Ouais, j'avoue. 8h08, c'est Fun Radio. Montez le son. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. 100 000 auditeurs à écouter Fun Radio tous les matins. Et vous avez fait de Bruno dans la radio l'émission à succès de cette année avec une hausse d'audience de plus de 83%. Et ben je vous imagine en train de danser sur ce Justin Timberlake. Un peu comme dans le clip où on voit des gens qui sont en train de danser. Et je vous imagine dans votre salle de bain, je vous imagine au bureau, je vous imagine dans les transports en commun, serrés comme des sardines parce qu'il y a la grève. Et donc du coup, vous sautez dans un RER, je parle pour la région parisienne, mais ça marche aussi dans les tramways quand vous êtes en province, dans des grosses villes de province, serrés comme des sardines. Puis vous, vous avez votre casque, puis vous écoutez Fun Radio. Et à l'heure où les autres autour de vous sont en train d'étouffer, perdus dans les odeurs, vous, vous êtes bien. Vous, vous êtes bien parce que vous écoutez Fun Radio et que depuis que vous êtes passé sur Fun Radio, votre réveil n'est plus pareil. Eh bien, je m'engage à ce que ça soit tout le temps pas pareil, tous les matins sur Fun. Et puis à vous ambiancer un peu votre réveil quand même. Galantis, le nouveau, vous l'avez découvert chez nous, No Money. On va parler People dans quelques secondes. Alors, menu People ce matin, Christina. Alors, on va parler beaucoup de David Guetta parce qu'il donne une interview ce matin et notamment on apprend qu'il connaît des joueurs de foot. Qui ? Vous le saurez dans 5 minutes. On va parler aussi de Nabila, du Prince Harry qui a une nouvelle chérie et puis Carla des Marseillais, ce sera mon invité du jour. Tiens, hashtag Bruno Fun Radio ou 3228. Aujourd'hui, il y a une biographie de David Guetta, si vous êtes fan, qui sort avec Fun Radio. Et j'ai eu la chance d'en faire la préface. Ouais, c'est classe quand même. Ouais. Et sur le livre, il y a une préface par Bruno Guillon, faut que je l'amène à ma mère, elle va pleurer. Non, mais il est très bien en plus, t'apprends plein de trucs, ouais. Il y a plein d'anecdotes qu'on connaissait pas forcément sur lui, il est très très très très bien. On vous le file gratos, hein, 3228 si vous voulez le bouquin ou hashtag Bruno Fun Radio. Excusez-moi monsieur Guillon, à quand le roman ? À quand le roman ? À quand le best-seller ? 8h13. Oh. Bruno, paye vos factures avec Cdiscount. Le pire c'est que quand Elliot il dit best-seller, je suis sûr qu'il croit que c'est un seul mot, tu vois. Un best-seller. Bah ouais, c'est ça. B-E-2-S-L-E-R. Un best-seller. Mais non, mais je rigole, c'est ah bon, best, plus loin, c'est l'air. Il me prend pour un fion, celui-là, quand même. Oh là là. Tous les jours, 7h10, 8h10, Fun Radio est la seule radio au monde à payer vos factures. Et vos factures, vous pouvez me les faire parvenir. Alors, vous le faites soit sur le site brunopayevosfactures.fr, soit par courrier. C'est Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Et alors, cette semaine, on s'est associé à Cdiscount et si vous allez acheter des télés sur cdiscount.fr pour l'euro, eh bien on vous les paye si vous nous les envoyez. On en paye une maintenant et une autre dans la journée. Pour ça, il faut surveiller nos réseaux sociaux. Bah, et ça, par contre, on le fait qu'en France. Et je disais dans le monde entier, on ne paye pas des factures avec Cdiscount. Au grand désespoir de Teddy. Teddy, c'est un mec qui est boursicoteur et il bosse dans un quartier huppé de New York. Et il le dit souvent. You know, in New York City, tu sais, à New York, quand je marche dans la rue, des fois, je me dis que je pourrais écouter Bruno dans la radio et me faire payer ma télé. Ce serait incroyable de pouvoir me faire payer cet appareil. I take my dick and I put it in my mom. Et des fois, je prends ma télécommande et je change de chaîne. I crossed the line. pour ceux qui parlent anglais. Ouais, ouais, oh, j'adore. J'espère que vous êtes bilingue. J'ai dépassé mon limite. Allô, Guillaume. Oui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno. Et ben voilà, c'est tout. Bravo. Bravo. Guillaume, on est à 100 millions. C'est pour de vrai? Ben oui, c'est pour de vrai. Non, non, c'est une vanne. En fait, je m'appelle Arnold, j'ai 12 ans, je fais une blague sur le téléphone de mes parents, mais j'ai tout un logiciel qui me permet d'envoyer des jingles. Guillaume, tu fais quoi dans la vie à Saint-Émilion? Je suis professeur de technologie. Ah, très bien, dans un LEP? Dans un collège. Dans un collège, d'accord, très bien. Et tu prends le boulot à quelle heure ce matin, Guillaume? À 8h30. 8h30. Oh, et dis donc, on a le temps, ça va, on est large. C'est ça. C'est dans 14 minutes, ça va. Bon, alors tu es allé sur le site Cdiscount et tu as acheté un téléviseur. C'est quelle marque ton téléviseur? Samsung. J'ai l'impression qu'on a que des téléviseurs, ouais. Samsung. J'ai l'impression que sur la télé là cette année, Samsung ils sont placés, ils sont là, ils sont posés. Hein. C'est de la bonne qualité. Hein. Ouais, c'est de la bonne télé. Ouais. 572,76 €. Eh bien, ta télé, je te la paye. Parfait. Merci. Et merci beaucoup. On t'envoie le chèque très vite. Bah, et t'attaques les cours avec quelle classe là ce matin? Des sixièmes, des cinquièmes? Troisième. Troisième. Oh là, ça va, ils sont pas trop chiants? Non, ça va, ils sont cool. Ils sont combien dans la classe? 24. Ah, ça va. Bon, bah, bon courage à toi, Guillaume. On t'embrasse. Tu bouges pas, je te repasse le standard. C'est vrai qu'on demande toujours, on a beaucoup d'élèves qui appellent, on demande jamais l'avis aux profs. Des fois, quand t'es prof, ça doit être fériège. Il y a des classes. Oh bah, tu m'étonnes. Sais, j'ai ma sœur Martine qui est prof de SVT à La Rochelle. Ouais. Des fois, il y a des classes. Tu dis, oh, pff, celle-ci, t'as pas. Mais surtout, il y en a souvent un ou deux élèves qui te font chier, c'est tout. Des fois, t'as pas envie. C'est pour ça qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle la grève. Ils s'en servent pas mal. Galantis, redonnez-moi le nom de cet instrument de musique là. Si. Steel Drums. Ouais. Steel Drums. Je ne m'en souviendrai jamais. C'est fou. Hein. Vous êtes en direct sur Fun Radio, la famille. Allez, faites-vous kiffer, c'est jeudi. Ce soir, 19h-20h, c'est le Before Party Fun sur Fun Radio. Pendant une heure, Jimmy au micro, Adrien Thomas au platine. Une heure de nouveautés. We got a beat going on. De versions inédites et d'exclus. À mettre à fond maintenant dans le Before Party Fun. Can you call me my friend? Le Before Party Fun. Le Before Party Fun. 19h-20h sur Fun Radio. Montez le son. Dance floor. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par des conseillères Sephora selon disponibilité. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigwolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 €, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Géant, jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 25% sur une large sélection de téléviseurs de marque. Par exemple, ce téléviseur LED 80 cm Panasonic à 208,82 € au lieu de 278,43 €. Rendez-vous vite dans votre Géant, les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. Pain délicieusement croustillant cherche fromage au cœur tendre pour être son partenaire de tartine. Justement chez Grand Frais, le coulommier au lait cru est à 9,90 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 11 juin, affiné dans la Meuse, 22% de matière grasse sur produits finis. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Bruno. 6h-9h. Hashtag Bruno Fun Radio et on est encore au top tweet France, là ça fait plaisir. Merci de faire de Bruno Fun Radio le sujet dont vous parlez le plus sur Twitter. Et beaucoup de gens qui réagissent depuis tout à l'heure. À 7h50, j'avais dit tiens, et si, si on demandait aux tweetos on garde le JPI ou pas l'année prochaine, je peux vous dire qu'il y a un raz-de-marée de gens qui veulent garder le JPI. Ça va leur faire plaisir. Ouais, oui. Ils ont une vraie fanbase qu'on a décidé d'appeler les JPistes. Les JPistes. Très bien. Vous savez quoi, on va lancer le hashtag Je suis JPI. 8h21, on parle people juste après le nouveau Galantis. Et le nouveau Galantis, il est déjà sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Galantis, c'est déjà sur Fun Radio. Il y a Calvin Harris et Rihanna, là, ça arrive. You, ooh, ooh, ooh. 8h30. Je vous envoie à Ibiza et on va partir avec vous à Ibiza. Vous voulez venir? Bah, 32-28. Voilà, ça sera sur la dernière semaine là, de la saison. On va aller tout Fun Radio, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, partira à Ibiza. On va être en direct au soleil et tout ça. Non, mais ça va être énorme parce que, en plus, contrairement à l'année dernière, là, il y a vraiment tous les animateurs de Fun Radio qui vont venir. Donc, ça va être un beau bordel. Hein. Ouais, je confirme que ça va être un beau bordel. Ouais. Et puis, deuxième truc beau bordel, c'est que, du coup, mon anniversaire va tomber en plein où on sera à Ibiza. Donc, on va être obligé de le fêter à Ibiza. Quel surtout, dommage. Bachet, tu vas être obligé de me payer un coup. Bah, pourquoi? Bah, parce que pour mon anniversaire. Mais non, mais on le fera plus tard à la maison. Toi, tu préfères les trucs simples, tu me disais. À Ibiza, c'est pas ton genre, Ibiza. Alors que tu vois, le petit PMU là à côté de chez toi, avec la bière à 2,50€, là, c'est ton genre, je trouve. Ouais. Et Fonf vient de me dire quand même qu'on était 72 personnes à partir. Ouais. Plus vous, auditeurs de Fun. Oh là là. T'imagines pour les soirées, le bordel. Pour les soirées, ça va être le bordel. Ouais, vous êtes combien? On est 72 là. Tiens, en direct, je viens de recevoir l'électrocardiogramme de Claude Sertorio, un des patrons de Fun Radio qui s'occupe de l'argent. 72 personnes. Ouais. Ouais. plus les auditeurs. Ah oui, ouais. Donc on part à 150. Ça va lui faire, ça va lui faire mal au cul, hein, je tiens à te le dire. People. Les people de Christina. L'actu people de ces dernières heures, c'est avec Christina. On a quoi au sommaire ce matin ? David Guetta se prépare à l'ouverture de l'Euro. Je vous parle de la nouvelle chérie du Prince Harry, des premiers pas de Nabila comme comédienne, de la consécration pour Nikos et Carla des Marseillais nous parlera de saucisson. Ouais. J'ai trop hâte. Ah oui, bah vous pouvez avoir hâte. Bon, je vous rappelle qu'il va mixer lors de la cérémonie d'ouverture de l'Euro. Ce sera demain au Stade de France, mais aussi il va mixer une heure ce soir devant la Tour Eiffel. Et il donne ce matin une interview dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques passages. Déjà, pour commencer, on apprend qu'après avoir mixé à la Tour Eiffel ce soir, il va prendre un jet cette nuit pour mixer de 3h à 7h au Pacha à Ibiza. Il va revenir ensuite à Paris pour mixer à la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est la vie, mais quotidienne, j'ai envie de dire, de David Guetta. Concernant les accusations de plagiat de DJ Snake, vous vous rappelez ? Ouais, bien sûr. Vous en avez parlé. Il y a eu ces tweets de Snake qui accusait David Guetta. Bah, il a bien répondu, David. Exactement. Il a dit que la musique et la mélodie n'avaient rien à voir et qu'il avait juste utilisé une voix en boucle. Ce que Diplo n'a pas inventé. Il dit même que, à la limite, c'est peut-être Afrojack qui l'a inventé il y a 10 ans, mais comme c'est moi qui lui ai signé un contrat, bon, bah, ouais, voilà quoi. D'ailleurs, c'est ça. Et puis alors, il répond aux questions concernant le football, vu qu'il a fait le l'hymne de l'Euro. Et il a répondu notamment à la question est-ce que vous connaissez des joueurs de foot ? Et donc, il a dit que Ronaldo était venu le voir mixer à Ibiza il y a 2 semaines, qu'ils avaient fait la teuf ensemble. Et alors, surtout, vous vous rappelez de la petite escapade des joueurs du PSG avec Zlatan il y a quelques semaines à Las Vegas ? Ouais. Et ben en fait, quand ils sont allés là-bas, ils sont allés à une soirée de David Guetta. Ah. Et ils ont fait la fête ensemble. Et David Guetta a précisé qu'ils avaient été super sages. Ouais. Super sage, ça veut dire ce qui se passe à Vegas. Reste à Vegas. Bon, ça faisait un moment que le prince Harry était célibataire. Bah, ça y est, il aurait trouvé une nouvelle chérie. Ouais, et c'est une chérie que vous connaissez puisque c'est une star de la chanson. Oh, Ellie Goulding. Ouais, a priori, ils seraient ensemble. Selon The Sun, le couple a été vu en train de s'embrasser et passer beaucoup de temps les mains sous des couvertures lors d'un événement automobile. Alors, forcément, bah, on imagine qu'il y a un truc entre les deux. Hein. Ouais, quand tu mets la main sous la couverture, c'est rarement pour gratter le genou, tu vois. Ouais. Bon, et puis il y a une info hier qui disait que Nabila allait bientôt faire ses premiers pas de comédienne, bah c'est fait. Ouais, bah ce serait donc à la télé dans la série Aïcha sur France 2, mais ça c'était hier, Bruno, parce que ce matin, dans le journal, eh bien France 2 dément cette information et précise même que la série va s'arrêter. Bon, bah, cause de ça d'ailleurs. Je savais même pas qu'elle avait commencé cette série. Donc. Mais si, c'était avec une nana qui avait fait la Star Academy, je crois. Ah bon ? Oda, non, c'était pas ça. Ah, Oda. Non, Oda. Non, non, pas elle, une autre. Micheline, Françoise. Ouais, vous voulez pas qu'on attende Sophia. Sophia et Saïdi, bah oui, quand même. Voilà. Bon, on enchaîne, du coup. Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire non plus sur cette série par rapport à, par exemple, Game of Thrones, tu vois. C'est pas... ouais. Je vous dis juste que Nikos va bientôt avoir donc sa statue au Musée Grévin à Paris. Ça, c'est l'info du jour. Et puis alors, on revient sur Carla des Marseillais. Vous la retrouvez donc tous les jours sur W9. Je lui ai posé cette question. Quand tu manges du saucisson, est-ce que tu manges la peau ? Écoutez. Ça dépend. Si elle est épaisse, oui. Si elle est pas trop épaisse, je la mange. Je suis pas compliquée, moi. D'accord. Okay. Mais quand vous dites la peau du saucisson, vous parlez du prépu ? Bah celui-là, moi, c'est pas mon truc. Hein, moi. Le goût de fromage, bon. Calvin Harris, Rihanna, ça arrive sur Fun Radio. Et le jeu des 30 secondes, 32-28, on vous emmène à Ibiza. Cet été, pour tous les événements sportifs, soyez électro-tranquille. Nos produits sont garantis 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et en cas de panne, la grande télé, faut la ramener ? Non, on se déplace à domicile gratuitement. Électro-dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Garantie soumise à condition, voire détail en magasin. Électro-dépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à condition et éligibilité. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Choux ! Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ?

Youhou ! Bonjour ! Comment ça va, mon Denis ? Ah, nickel, nickel. Denis, ce matin, tu joues face à Mélanie. Elle habite Avignon, elle a 23 ans. Elle est préparatrice en boulangerie. Applaudissements pour Mélanie ! Préparatrice en boulangerie, dis-moi un peu plus, Mélanie, ça veut dire quoi? C'est toi qui prépare les pâtes, etc., qui ensuite sont destinées à être cuites? Alors, oui, je cuis les pains au chocolat, les croissants, je prépare les brioches, enfin, tout pour le lendemain, et je fais les sandwichs, les salades, enfin, oui, voilà. Oui, t'es boulanger, tout en fait. Tout sauf le pain, en fait. D'accord. Non, tout sauf le pain. Enfin, tu dis les pains au chocolat, tu veux dire les chocolatines? Oui, les chocolatines. Voilà. Toi qui prépare les sandwichs, on est d'accord que le sandwich au thon, quand le thon il est un peu foncé, marron, genre il a été préparé 2-3 jours avant. Pas forcément. Ça vous arrive pas de trouver des boulangeries comme ça où tu regardes le sandwich, tu regardes à l'intérieur, tu fais quoi? Mais ils l'ont fait en quelle année ça? Vite fait, tiens, team sandwich. Vous êtes quoi comme sandwich, Christina? C'est quoi? Moi j'aime bien tomate mozza en sandwich. Ah, tomate mozza. Ah, on le fait pas celui-là. Pareil. Et Elliot? Kebab. Sandwich kebab, ouais. Et toi, Bruno? Moi, je suis classique. Moi, un bon jambon beurre, j'aime bien. Ah ouais. Et sans salade. C'est le meilleur. Le mec qui a commencé à lancer la salade dans le sandwich, je pourrais être violent. Avec. Oh, quand même. Disons, quand tu commences à manger, t'as toujours un bout de salade qui te fait chier. Et du coup, t'es obligé de prendre avec les mains, quoi. Mais oui, puis il est pas bon, ce morceau de salade. Et c'est pire dans les sandwichs que t'achètes, tu sais, dans les stations-service, où la salade a 800 ans, quoi. Si tu veux, c'est du plastique. Alors, ça dépend. Tu vois, dans les tomates mozza, t'as de la mâche. Et là, c'est bon. Ou de la roquette. Ça n'intéresse personne, me dit-on. Denis, Mélanie. La règle du jeu des 30 secondes est simple. Vous allez devoir choisir quelqu'un qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui trouvera le plus de mots repartira, ou plutôt partira, à Ibiza avec toute l'équipe en fin de saison. D'accord ? Ok. La question, c'est avec qui voulez-vous jouer ? Gagnant du jeu des 30 secondes d'hier. Vaché. C'était Vaché, donc vous pouvez jouer avec tout le monde, sauf avec Vaché. Denis, qui choisis-tu ? Elliot. Ah. Elliot pour Denis. Très bien. Mélanie, qui choisis-tu ? Karina du JPI. Karina du JPI. Oh. Ok. Bon match, Karinou. C'est un nouveau match, je crois. Vous vous êtes jamais affronté ? Oh, si, une ou deux fois. J'ai souvent gagné. C'était pas mémorable, apparemment. Je crois que c'est Karina qui l'a emporté à chaque fois face à Elliot. Ouais, on va voir. C'est pour ce matin que je l'ai choisi. Bon, alors, Vaché, qui commence ? J'ai mis une bonne grosse raclée à Elliot hier, souvenez-vous. Donc, je vais le faire commencer parce que je pense qu'il a soif de vengeance. Attends, j'avais des mots super compliqués. Ouais, c'est pour ça. Hier, non, sans vanne, attends. Oui, Elliot, Denis, c'est le premier tandem du jeu. Denis, Elliot ne connaît pas la liste de mots, il va la découvrir au lancement du chronomètre. Est-ce que tu es prêt, Denis ? Ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est un attaquant de l'équipe de France. Vas-y, cites-en plein. Ouais, exactement, c'est bon. C'est la partie où tu respires. La partie, c'est quoi ? C'est quelle ? Ouais, voilà. Tu manges dans une ? L'assiette ? Ouais, super. La voiture, l'essence, elle sort par le ? Non, tu peux pas passer. La voiture, la fumée, elle sort par le ? Ouais. Quand tu bois beaucoup d'alcool, tu es. Bourré. Ouais, un autre mot. Alcoolisé. Non, tu es quand t'es en dessous. Mort. Ah non, quand tu bois. Il a dit Giroud, hein, je vous voyais bugger, mais le premier il a dit. Oui, il l'a dit. Ouais. Oui, non, c'est bon. C'était bon. Saoulé le dernier mot. Ah ouais. Ils m'ont tout saoulé. Ça fait quoi? Ça fait 4 points. 4 points, ouais. 4 points pour c'est Denis. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Pour Elliot, c'est un record. Eh, tais-toi là-bas. C'est pas mal. Karina, ouais. Tu es avec Mélanie. Mélanie, oui. Il va falloir faire au moins 4 pour espérer partir à Ibiza avec nous. D'accord ? Allez, je compte sur toi, Karina. Ouais, on va bien s'en sortir. Il faut bien que tu m'écoutes, surtout. On va tout casser. Allez. Karina, je t'ai prête ? Ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est un très vieux jeu que les enfants ils font rouler par terre. Des billes. Non, c'est y a un petit bout de bois et c'est un très très très vieux jeu. C'est pas un cerceau, c'est une. Ça se joue avec un lacet et tu faisais. Le bilboquet. Non, c'est encore plus vieux putain. Que ça. C'est un mot de merde. je peux pas dire l'étymologie du mot que ce mot de con là. Plus personne ne joue à ce jeu de blaireau parce que c'était une toupie et qui joue encore à la toupie en 2016. Pardon, Karina, mais c'est quoi le rapport avec le lacet ? Mais en fait, dans l'ancien temps, les enfants mettaient le lacet autour de la toupie et pour le lancer très très fort. Est-ce qu'on peut mettre cette discussion avec celui de la tomate mozzarella, le sandwich, dans mais un non, coin mais loin toupie. Et qui c'est qui a gagné ? Mélanie.

We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight books, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go away. No. Work, but you gotta be Bruno dans la radio sur Fun Radio. Yeah. Jeudi, c'est le 9 juin, c'est Fun Radio, 8h47. C'est retransmis en direct sur TF1, je crois, ce soir, ouais. Le show de David Guetta. Ce qu'on disait dans la rubrique People, c'est ouf, il va mixer ce soir pendant une heure et demie, en gros, au pied de la Tour Eiffel. Une heure, très exactement. En fait, il y a des artistes qui vont chanter avant. Lui, ensuite, il mixe pendant une heure avec des jeux de lumière sur la Tour Eiffel. Ouais. Ça va être ouf parce qu'ils font des répétitions depuis des jours et des jours. Et ensuite, il va prendre un jet privé pour aller mixer au Pacha Ibiza cette nuit de 3 à 4 heures à 7 heures du mat. Et il revient à Paris ensuite, puisque demain soir, il fera l'ouverture de la cérémonie de l'Euro 2016 avec des auditeurs de Fun Radio qu'on a invités, que David Guetta a invité lui-même d'ailleurs. Je tiens à le préciser parce que c'est lui qui avait envoyé un message en disant « Je fais ça que pour fun ». Pour l'instant, je voudrais qu'on réaccueille Sofia. Elle a 28 ans, elle est à Lille. Bonjour Sofia. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. On a lancé ça, les losers du jour. C'est la vie, des fois, peut être un enchaînement de loses. Et on a tous, au quotidien, un petit truc à la con, la petite lose du jour, toi, ah Christina. Bah, je vous ai pas dit hier, j'ai vu que j'avais 3 cm d'eau dans ma cave et que tout était foutu. J'ai oublié de vous en parler. Voilà, je m'en suis rendu compte une semaine après les inondations. Bah, en même temps, t'étais un peu dans l'arrondissement de Paris où il y a eu le plus de flotte, ça paraissait un peu logique. Voilà. Bah, moi, je vous ai pas dit ce matin, mon scooter il a lâché. Si, t'as dit, Oui, donc du coup, je suis venu en taxi, mais j'avais pas ma carte bleue, alors du coup, on a dû m'avancer. Enfin, la journée a mal commencé. En même temps, mets-toi à la place de ton scooter, Elliot. Il me supporte. T'as perdu combien? T'as perdu 15 kilos? Ah ouais, ouais. 10 kilos, ouais. Bah pauvre scooter qui t'a amené avec ses 10 kilos de plus tant de matins à Fun Radio. Maintenant que t'as maigri, il en peut plus. Ouais. Maintenant qu'il sait que tu peux marcher tout seul, il te dit vas-y, Elliot, marche. Ah ouais, tu penses? Mais bien sûr, il est mort de sa belle mort. C'était quoi? C'est un Elistar, un Peugeot. Combien de centimètres cubes? 50. Eh ben oui. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez traficoté pour que je n'arrive pas dans cette émission. Il a décédé. Peut-être. On va voir. Il est parti, il est mort. Je vais le pousser au garage, ça va me faire les muscles. Bon, Sofia, alors loseuse du jour. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? En fait, ça m'est arrivé il y a environ une petite heure et je me suis dit, tiens, allez, je vais appeler Bruno, ça va le faire rire. Parce que comme ça, je ne serai pas toute seule à rire comme une idiote. Dis-moi. Et en fait, après la douche, forcément, il y a un coiffage de cheveux. Ouais. Et donc, après 10 minutes de coiffage intensif et de lac à gogo sur mes cheveux, je relève la tête pour les mettre en place et tout, et il n'y a rien qui tient. Et je dis, merde, c'est pas possible, ce que j'ai mis, c'est pas possible, donc je recommence. Tu t'es gouré, t'as pas pris la laque. J'ai recommencé pendant au moins 5 minutes et au bout des 10 minutes, quoi, je me suis aperçue que c'était pas la laque, c'était le déodorant. Et donc, du coup, relavage de cheveux. Alors, comme j'ai les cheveux jusqu'au milieu du dos, tu vois, t'imagines le truc. Ouais, je vois le délire. Ouais. Et du coup, en retard, je devrais être dans le bus parce que j'ai 30 minutes de bus pour aller au boulot. Je commence dans un petit quart d'heure. Donc, je suis un petit peu beaucoup à la bourre, tu vois. Ah, et en plus, tu prends le temps de m'appeler. T'es forte. Voilà. Je me suis dit, il faut que j'appelle Bruno. Il est friand, ces petites clauses-là. Je vais l'appeler. Donc, faites comme moi, appelez le Bruno quand vous avez une blouse. Déjà. Sophia, ça me déculpabilise. Vaut mieux ça que le contraire, parce que tu te mets de la laque sous les bras, tu passes ta journée à marcher comme un Playmobil. Ah ouais, c'est clair. Un pingouin, quoi. Je te fais des bisous, Sophia. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais ado, parce que je partageais la salle de bain avec mes parents, ils avaient plein de produits. Donc, je m'étais déjà mis de la laque sous les bras et j'ai aussi mis de la crème anti-ride à la place du dentifrice. Et regardez mes dents, j'ai pas une ride. Ça marche. C'est fou, écoute. Merci pour ce conseil beauté. Je vous en supplie. Dans 3 minutes, le Vacher Time arrive sur Fun Radio. Il est 8h51. Le JPI. J'ai dit quoi, Gilles Vacher Time ? Le Vacher Time. Ah, autant pour moi. Le temps d'écouter David Guetta et Zara Larsson. This one for you. C'est tout de suite, c'est sur Fun Radio. We were born to fly and let the moment. Hashtag Bruno Fun Radio, vos messages qui arrivent là sur Twitter, on est encore en top tweet France, comme chaque matin, mais chaque matin ça nous fait chaud au cœur. C'est le sujet dont on le parle le plus sur les réseaux sociaux, hashtag Bruno Fun Radio. Et Christopher Charrier qui dit, pourquoi ne pas faire un périscope pour vous voir en direct ? Eh bien Christopher, puisque tous les matins nous sommes en direct vidéo sur funradio.fr. Et on est les seuls de nos petits camarades à faire ça, parce que nous, on est là tous les matins en direct et vous pouvez nous voir si vous le voulez, funradio.fr, ou alors avec l'application Bruno dans la radio, c'est pareil. Vous pouvez, Théma, y a le choix streaming vidéo. Vous écoutez soit en audio, soit en vidéo, et puis vous nous voyez. Vous voyez nos gueules au réveil. Voilà, comme ça, ça fait toujours plaisir. Si vous ne plaignez pas, vous n'avez pas la laine. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, grève. Plusieurs grèves sont annoncées en France. La SNCF, les centres de déchets, les raffineries, Air France. À force de si bien tout bloquer, Deschamps va finir par prendre la CGT en défense de l'équipe de France. Euro 2016, nous sommes à un jour du début de l'Euro 2016. Pour nous les femmes, c'est un peu comme si on était à la veille des soldes, quoi. Aujourd'hui, ça fait 82 ans, jour pour jour, que le personnage Donald Duck faisait son apparition. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Ah, vous êtes en train de regarder Donald Duck. Non, pas du tout, je suis avec Emmanuel Béart. Ah, autant bon pour moi, Anthony. Elle vous embrasse. Ouais, nous aussi. Merci, Anthony. À dans une heure, à demain, pour un nouveau reportage. Bah, sinon, les gars, ça va. Un peu dans le jus, là. Hein, mec, bah, Mika, c'est le mec qui fait pas d'erreur pendant un an, mais en l'espace de 15 secondes, il peut toutes les faire. Ah, le gars qui rate tout en l'espace de 10 secondes. 9 erreurs, exactement, sur une phrase. C'est quand même sur un bon une record, phrase, le gars est capable de bafouiller 20 fois sur le même mot. C'est fou, hein. Allez, pour finir, si vous aimez les acteurs américains et les villes du Nord, découvrez Johnny Depp. Voilà, ouais, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. À demain. Hey, laissez-moi tranquille, je vais me barrer. Je reviens demain. Lève les bras et dis le ciel est bleu. C'est ça qu'il faut faire pour voir si tout va bien. Non, mais essaye de sourire. Ouais, t'es peut-être en train de faire un AVC, mais bah, je vais crever tout simplement. Johnny Depp, ça m'a fait rire. Bravo, Karina. Ah bah merci. D'ailleurs, c'est Mika. C'est l'anniversaire de Johnny Depp aujourd'hui. Oui. Non mais je le dis pas à Mika, il va pas comprendre. Ah bah. Avec la personne parle pas notre langue. Allez, Imani, c'est sur Fun Radio. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Hier mercredi sur Fun Radio, on a fini l'émission en menant une enquête. L'enquête, c'était Retrouvons la famille de Mathieu Canabi. Mathieu Canabi, c'est celui qui a fait cette reprise Miss California, d'accord ? Et donc, on a cherché à trouver la famille de Mathieu Canabi dans la nuit. Vu qu'on ne l'avait pas passé, on voulait prévenir sa famille pour s'excuser. Oui. On est tombé sur des gens qui n'étaient pas de sa famille. Mais alors, je crois, les amis, que depuis, il y a la mère de Mathieu Canabi qui s'est manifestée. Ah! Est-ce que c'est ça vrai? Mais je sais pas. Mais tu sais quoi, on va l'appeler là dans 3 minutes, en direct sur Fun Radio. On va revenir avec le top 3 d'Eliott. Sophie, voulez-vous prendre Philippe pour époux? Oui, le retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les 4 éclairs chocolat ou café sont à 1,60€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 280 grammes soit 5,71 euros le kilo, transformé en France, offre valable dans les magasins équipés d'un terminal de cuisson. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Hello les filles, c'est Sananas. Sephora,

Rien à voir. Et donc, du coup, on s'est dit, putain, ça faisait longtemps, on a passé l'original. Ouais, ça a fait plaisir d'ailleurs. Oui, mais après, j'ai été déçu pour Mathieu Canabi, que je connais pas, mais qui doit être très sympathique au demeurant. Et c'est vrai que je m'étais mis à la place de sa famille. J'ai dit, si ça se trouve, Mathieu Canabi, il a dit à ses parents, à sa famille, je vais passer sur Fun Radio écouter. Toute la famille Canabi était devant la radio. Et puis hop, c'est l'original qui passe, ils ont été si déçus. On a tous vécu ça. Et bien sûr. Tu sais, quand tu fais une émission de télé et tout, tu préviens tes potes en disant je suis dans telle émission de télé, puis t'es coupé au montage. Bah ouais. Bah t'as l'air d'un con. Grave. Bah Mathieu Canabi, ça se trouve, ça a été la risée de sa famille hier soir. Hier matin, déjà, ça m'avait fait un pincement au cœur. Et vu qu'on n'avait pas les coordonnées de Mathieu Canabi, on a cherché un Canabi dans la nuit, on était tombé sur André Canabi. Ah, Mathieu Canabi, j'en connais pas moi. Hein. Ouais. Est-ce que dans la branche des Canabi, il y a éventuellement quelqu'un qui poussait la chansonnette? Ça peut remonter à longtemps. Non, non. Chez nous, y a personne n'est saltimbanque. Ouais. pas de cousin, de cousine. Non, ça... écoutez, on n'y est pour rien là-dedans. Bah, hein. C'est gentil d'appeler, mais il n'y a pas de souci. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Hein. Mais tant pis. Au revoir, Monsieur Canabi. Au revoir. Allez, on y pour rien là-dedans, le gars. Il n'y a pas de saltimbanque dans la famille. J'adore. Et bien, figurez-vous, les amis, qu'on a une auditrice qui a appelé hier. Mais alors, c'était juste à la fin de l'émission, en disant je suis Madame Canabi. Ah, la vraie ? Je suis la maman de Mathieu Canabi. Ah, énorme ! Mais peut-être que c'est une enfume. Ah ouais, peut-être qu'elle a dit ça pour faire genre. Ouais, bah. On va voir comment. Tu sais quoi ? Elle décroche, je mets le disque. Ouais. Allô ? Allô ? Oui. Madame Canabi ? Oui, c'est moi. Est-ce que vous savez qui chante ? Bah, c'est mon fils. Ah bon ? Et vous connaissez les paroles, Madame Canabi ? Ah oui, j'ai même une belle surprise pour vous, si vous voulez. C'est quoi ? C'est-à-dire ? Ah ben ça dépend, on est en direct là. Bien sûr qu'on est en direct, Madame Canabi, quand même on est sur Fun Radio, c'est la première radio dance floor de France. Allez. Salut Bruno, salut la famille. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est qui ? Alors genre là je c'est sais Mathieu. Pas si c'est Mathieu, il a une voix très féminine. Non, c'est pas Mathieu. C'est qui ? Attendez deux secondes. C'est parti. Ouais. Mais... C'est qui ? Allez, c'est pour nous. J'ai mis California. Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Alors c'est parti. D'accord. Oui. Que je plonge en ses yeux noirs. La famille Canabi. Ma monsieur, les Canabi, les Canabi. Elles ne s'écoutent plus. Voilà. Elles en profitent, hein. Tu passes pas leur titre. Elles le chantent. Madame Canabi, je vous promets qu'on va passer la chanson pour de vrai, pas par téléphone. C'est un peu pas beau par téléphone. Ça va, t'es là. C'est peut-être là, ouais. Ah, mais ça s'arrête pas. Ah, ben, les Canabi, tu mets une pièce dans le truc, ils ne s'arrêtent plus. Hein. C'est énorme. Ils ont dû poser le téléphone sur la table basse, tu vois. Mais je crois qu'il y a Mathieu derrière, alors, du attends, coup. Bah, je sais pas, attends, je remets. Allez, c'est pas pour moi. Ça ne s'arrête plus. Ah, c'est fini. Attends, c'est fini. Salut. Ah. Bravo. Là, j'ai... Ouais, spéciale alors, c'est... dédicace Fun Radio avec Mathieu Canabi en direct. Ah, mais d'accord. Mais alors, est-ce que je peux avoir Mathieu, du coup, au téléphone ? Je suis là. Ah, t'es là ! Bonjour Mathieu ! Bonjour Mathieu, tout ça pour ça ! Alors, attends, parce que, et du coup, c'était que t'étais avec ta chanteuse, c'est ça ? Avec sa maman. C'était avec ma maman, surtout. Mais c'est ta maman qui chante sur la chanson ? Bien sûr. Ah non, maintenant, là, en acoustique, c'était ma mère. Ouais. D'accord. Ah. Elle chante super bien, ta mère, parce qu'on est, en fait, on est chanteurs, on est des vrais saltimbanques. D'accord. Vous n'êtes pas de la famille d'André qu'on a eu au téléphone hier ? Absolument pas. D'accord. Bon, hé, Mathieu, donc tout ça pour m'excuser. Hier, j'ai passé à l'original à la place de ta chanson qui est très bien. Et donc, voilà, donc Mathieu Canabi, Miss California, qu'on est en direct. Mais t'habites encore chez ta mère, Mathieu ? Bien sûr, j'habite encore chez ma mère. Mais t'as quel âge alors ? J'ai 18 ans. Hé, hey, Alexandra, là maintenant qu'il a un disque qui passe à la radio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'argent qui coule à flot, la drogue, les gonzesses, attention. Ouais. Il va partir de la maison. Comment ? Comment ? Il va partir de la maison, Alexandra, il va falloir t'y faire. Il fait déjà pas mal d'allers-retours, mais je lui souhaite des gonzesses de vivre du bon temps, et pour nous, c'est c'est génial. Il faut que tu viennes nous voir, Mathieu. Ouais, Mathieu. Avec ta mère. Mathieu, viens avec la famille. Tu viens avec ta mère, mais tu lui mets du sparadrap sur la bouche. Hein, on sent qu'elle est toulonnaise, hein, ça parle. On vous embrasse, Alexandra, Mathieu. Bisous, les amis. On embrasse. Hey, Bruno. Oui. Hier, c'était Mathieu dans la Peugeot au bord de la plage. Là, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, Mathieu dans la Peugeot au bord de la plage, aujourd'hui, je sais pas, je vais trouver, tu me cueilles à froid. Écoute, je te trouve quelqu'un. Écoute, j'ai une Twingo d'occasion, on peut faire un toit ouvrant dedans et on trouvera un mec, on s'arrangera. Bisous Alexandra, bisous Mathieu. Mathieu Cannabis. C'était énorme. Qu'est-ce qu'elle parle, sa mère ? Alors, si jamais il y a un mec qui voulait développer le concept des concerts par téléphone, laisse tomber l'idée, hein, c'est pas... C'est pas ouf. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Ah oui, j'adore, c'était canon. Ça s'appelle un vrai moment de radio. Allez, top 3 d'Eliott. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, le numéro 3. Numéro 3. Oui Bruno, et vous le savez, on paye des factures tous les jours, 8h10, 7h10, mais malheureusement, on ne paye pas des factures ailleurs qu'en France. Mmh. Oui, ça fait jaser ce matin, ça fait jaser, la preuve, réécoutez. Et ça par contre, on le fait qu'en France. Je disais, dans le monde entier, on ne paye pas des factures avec Cdiscount. Au grand désespoir de Teddy. Teddy, c'est un mec qui est bon psychoteur, il bosse dans un quartier huppé de New York, et il le dit souvent... You know, in New York City, tu sais, à New York, quand je marche dans la rue, des fois, je me dis que je pourrais écouter Bruno dans la radio et me faire payer ma télé. Ce serait incroyable de pouvoir me faire payer cet appareil. Et des fois, je prends ma télécommande et je change de chaîne. I crossed the line. Pour ceux qui parlent anglais. Ouais, oh, ouais. J'adore, j'espère que vous êtes bilingue. J'ai dépassé mon limite. On traduira pas, bien sûr. Ce qu'il faut dire aux auditeurs, mais voyez, encore ce matin, on a plein de gens qui sont venus nous voir, qui sont inscrits par mail bruno@funradio.fr. Vous êtes d'accord ? Dites-le le oui de loin qu'on vous entende, mais que ce n'était pas écrit, c'était improvisé, on est d'accord ? Voilà. Et en fait, la vanne avec Vacher, c'est qu'à chaque fois, j'attends qu'il m'amène sur une phrase à la con. Et là, j'avoue que ce matin, il m'a un peu scotché. Moi aussi, je me suis scotché. Je m'attendais pas. Numéro 2. C'est bien comme ça de les voir répondre en chorale. On peut essayer un truc, genre. Vas-y. Est-ce que vous le trouvez beau, Eliott ? Ah ouais, bon, celui-là, il était. Allez, bon, enfin. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? Bruno, tu nous as raconté une histoire de folie ce matin. Elle était un peu glauque, on va dire. Je voudrais revenir. C'était une histoire policière. Oui, policière, voilà. Deux personnes, un couple, d'accord, qui se sont sûrement entretuées. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais heureusement, sur la scène, il y avait un témoin clé. Tu as essayé de nous faire deviner qui était ce témoin clé ce matin. Christina a donné la réponse. Écoutez. Il y a un témoin qui est en ce moment même et depuis quelques mois maintenant interrogé par la police. Le chien. Et qui pourrait désigner le coupable. Un perroquet. Ouais, exactement. Mais non. Ah bah oui, c'est le seul animal qui parle. Exactement. Alors le truc. C'est la dame. En fait, le perroquet répète depuis cet assassinat, d'accord, ouais, en boucle, don't fucking shoot, ce qui veut dire putain ne tire pas. Et donc le perroquet arrête pas de faire putain ne tire pas, putain ne tire pas, putain ne tire pas. Et donc là ils sont en train d'essayer de faire dire au perroquet mais qui ? D'accord. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme, non, mais... ou pas ? Après peut-être que le propriétaire avait l'habitude de jouer avec son perroquet au tir sur mon doigt et à chaque fois il disait putain ne tire pas, putain ne tire pas. Tu vois, ça n'a rien à voir. Oh non encore. J'ai encore perdu. Oh. Vous faites bien le perroquet en tout cas. Ouais. Ouais, il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Hein. Tous aussi nuls. Et essayez toi, vas-y, fais le perroquet, Eliott. Mais moi j'y arrive. Bonjour, c'est Eliott le perroquet. Et ouais. Pourquoi les perroquets rouleraient les R en fait ? Mais oui, et puis déjà ils font pas des phrases aussi longues. Vas-y, Christina, t'as l'air une pro. Vas-y, fais le perroquet. Ok. Coco, coco, coco. Allez, on enchaîne vite. Numéro 1. Je peux continuer avec la voix du perroquet. C'est un perroquet créole donc. Hein. Ouais, en fait, c'est le mec de la compagnie Troll, celui qui a le perroquet sur son épaule. Il fait un dialogue entre les deux. C'est un perroquet des îles. Ouais. Et est-ce qu'il y a des perroquets tinois ? Je suis un perroquet tinois. Devait faire du karaté avec un autre perroquet sur un tatami. En fait, non, en fait, les amis, ce qui va se passer, quand les sondages de la radio vont tomber entre 9h et 9h15, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je ne sais pas si elle sera bonne ou mauvaise, mais en fait, maintenant, de 9h à 9h15, c'est plus du tout la même émission, ça devient n'importe quoi. Oh, le perroquet chinois. Bon, allez, on finit avec le numéro 1. D'accord. Alors, bon, le chiffre du jour. On a appris dans le chiffre du jour que 10% des couples mariés ne se disent je t'aime qu'une seule fois par an. On a appris aussi autre chose, on a appris que Vacher faisait quelque chose d'autre qu'une seule fois par an et que c'était assez ridicule, réécoutez. Moi, une fois par an. J'aurais dit les soirées en boîte. Moi, je sais qu'avec ma femme, ça doit être ça. On en fait une par an, grand maxi. Une soirée ? Ouais, soirée en boîte. En boîte. Ah. Oh, le vieux, quoi. Ouais. Et mais non, mais ouais, c'est chelou d'aller avec ta femme en boîte. On cartonne tous les gens qui vont au collège ou au lycée, écoutent Fun Radio et ils sont en train d'écouter un mec qui leur dit une fois par an avec maman, eh bien, on va dans une discothèque. Ah, et je prends souvent un petit mojito. Bon, bah, on arrive, nous, sur les coups de 21h30 pour l'ouverture. Oui. Quand on commence à avoir mal au dos sur les coups de 22h30, bon, on s'approche de la sortie, on danse à peu près les vestiaires. Et puis, on remonte dans le petit taxi, on rentre à la maison. Ouais, c'est l'histoire de Vacher qui part avec sa femme en discothèque. Oh, la tristesse. Le vieux, quoi. Allez les amis, il y a le châtelain qui est là. Le châtelain. 9h midi sur Fun Radio. Gloire au châtelain. Gloire au châtelain. Moi jusqu'à présent je disais gloire au châtelain avec vous, maintenant je me tais. Mais bien sûr, parce que tu es le châtelain, on doit te respecter. C'est un peu comme dans Game of Thrones, voilà. T'as le droit de vie et de mort sur tous les gens qui sont à Fun Radio. Et si tu veux faire l'amour avec eux, tu peux le faire sans leur demander. Au sérieux? Tu as le trône de fer, voilà, bien sûr. Ah, je connais déjà 2-3 personnes qui sont open-minded hein, pour que tu y ailles. Ah si, ah, bah, on va en reparler de ça, ça m'intéresse vachement. Et bah, je te filerai des noms. Super, super, mais allez, super, nickel, je viens te voir après. On sera là demain? Oui, on sera là demain. Dès 6h, les amis, pour une nouvelle édition de Bruno dans la radio. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse surprise pour vous demain matin. D'ailleurs, vous savez quoi? On vous fera une grosse surprise demain matin. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous allez le retrouver sur l'appli Bruno dans la radio, elle est gratuite. Et puis le résumé vidéo là sur la page Facebook. Bisous sur vos culs, à demain. Tiens, on démarre avec ma chouchou parce qu'elle me suit sur Twitter. Oh, qui ça? Era Istrefi. Classe. Ah bon? Voilà, c'est classe. Parti, allez go. Era Istrefi sur Fun Radio. Bisous les amis, à demain. Ouais, moi je suis suivi par Mathieu Canabi, mec. Eh ben non, Era Istrefi, je peux te dire. Ouais, mais Era Istrefi, sa mère, elle chante pas. Ouais, mais elle est que... Ouais, ok, d'accord. Oh, je vais chercher de la répartie, je reviens demain. Bun bun, and then this is buns bun. Era Istrefi pour attaquer le 9h midi sur Fun Radio. Bonjour à tous. C'est le 9h midi, bonjour.